Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Parents Cinéma, l'épisode numéro 36. Aujourd'hui, on va vous parler des actualités du 16 octobre au 15 novembre 2019. Je suis Axel, l'hôte de ce podcast, et j'ai le plaisir d'avoir avec moi mon invité habituel de ce podcast qui est Eddy. Salut. Salut. Comment tu vas? Bah, ma foi, ça va. Ça va, ok, super. Moi, je suis un tout petit peu enrhumé, donc ça va s'entendre, je pense. Mais voilà, on va quand même le faire. Heureusement, c'était pas une crise de hockey. Comme... Ouais, arrête. Ouais. Ah, non, c'est bon. Mais du coup, voilà. Donc, on va parler de certaines actualités. Il n'y a pas eu non plus une pléthore d'actualités très intéressantes. Donc, enfin, il y aura un peu moins de choses à parler, mais bon, le fait est que à chaque fois qu'on a moins de choses, on en fait quand même plus. Donc voilà, on trouve quand même des choses à dire sur les actualités. Donc voilà. Très bien, je propose qu'on commence tout de suite, du coup, avec la première actualité qui concerne du coup Disney et principalement le Pinocchio en adaptation live. Et comme quoi, Robert Zemeckis, selon Variety, est en négociation avec Disney pour adapter, pour mettre en scène du coup la version live de Pinocchio pour Disney. Sachant que Tom Hanks avait été contacté pour jouer le marionnettiste Geppetto, mais il est passé du coup depuis à autre chose. Et le casting devrait reprendre quand le studio aura finalisé un accord avec Zemeckis ou un autre réalisateur si ça se fait pas avec Zemeckis. Donc voilà, ce qui est intéressant avec cette news, c'est que les derniers films de Robert Zemeckis, surtout Bienvenue à Marwen, qui était sorti au début de l'année, a fait un relatif flop puisqu'il a eu un budget de 39 millions et il a rapporté 13 millions. Et en fait, ça devient un peu un moyen de tourner un Disney Live, ça devient un peu un moyen de se faire, de retrouver. Grâce au niveau aux yeux des financiers à Hollywood, sachant que à part Dumbo, tous ont, et c'est un peu c'est idiot hein, parce que Dumbo c'est clairement le meilleur, et tous ont marché et 4 ont même dépassé le milliard de dollars de recettes. Aladdin, Le Roi Lion, Alice au Pays des Merveilles et La Belle et la Bête. Par exemple, ça avait bien fonctionné pour Guy Ritchie qui, après l'échec du Roi Arthur, avait tourné Aladdin et du coup. À redorer son blason clairement. Donc voilà, c'est plutôt. Enfin, toi, qu'est-ce que tu penses déjà du fait Robert Zemeckis adapter Pinocchio, tu le vois bien ou pas? Oui, il peut y avoir des choses intéressantes parce que c'est vrai que c'est pour le coup c'est vraiment un artisan donc. Ouais, c'est un metteur en scène très visuel très. Il est visuel, mais c'est surtout qu'il a quand même peu. Les scénarios sont pas forcément toujours ouf chez Zemeckis. Ouais. C'est vrai que quand tu prends les Retours vers le futur, ça fonctionne vraiment sur la trilogie, mais un film pris seul, ça reste un scénario assez classique. C'est vrai. Même si forcément le 2 avec tous les retours, les machins. Oui, voilà, il est un peu si plus. Si t'as pas suivi un minimum, t'es paumé. Hein. Mais c'est que la trilogie est très bien construite, mais c'est vrai que sinon, en termes de scénario. Après, de toute façon, je pense qu'ils reprendront vraiment les grandes lignes de Pinocchio. Ouais. Parce que, de toute façon, la version Disney... Elle est déjà une version coupée par rapport au conte. Mais disons que c'est une version qui le reprend quand même vachement bien, je trouve. Oui, oui, bien sûr. Qui arrive à intégrer toute la noirceur aussi du conte, ce qui n'est pas évident. Parce que, c'est vrai que... Pour le coup, moi, c'est vraiment un Disney que je trouve très, très glauque. Ouais. Tout le monde parle de Taram et tout ça. Alors, moi, Taram, j'aime beaucoup, mais pour le coup, Pinocchio, c'est très, très glauque Ouais, c'est très, très glauque. Ouais. Les ânes, là, les gamins... Transformés en ânes ou qui fument des cigares et tout. Enfin, c'est très, très space quand même. Ouais. Et puis, la scène avec la baleine et tout ça. Avec Monstro, quand même, Monstro, c'est quand même... C'est quand même quelque chose... C'est un excellent film d'animation parce que c'est très, très beau. Ouais. Et lui, je pense qu'il peut amener, une patte quand même. Il peut amener quelque chose d'intéressant là-dedans, ouais. Lui, je pense qu'il y a c'est une bonne initiative que de prendre un réalisateur comme ça pour un projet pareil. Surtout qu'en plus, de l'autre côté des adaptations de Pinocchio. Il y en a une, il me semble, avec Guillermo del Toro aux commandes. Il me semble, à la base, je crois que Guillermo del Toro devait en faire un. Et il y a aussi celui avec Roberto Benigni, qui est sorti en 2020, mais qui est un film italien, il me semble. Ouais. Oui, c'est un peu plus confidentiel, ça, mais... Mais ouais, il y a pas mal d'adaptations de Pinocchio qui sont en chantier, en tout cas. Donc, non, c'est oui, plus... parce que... Oui, c'est ça, oui, avec Roberto Benigni, oui. Mais je pense que ce sera plus un film indépendant. Oui, bien sûr, c'est clair. Mais du coup, c'est ce qui sera intéressant aussi. Je pense qu'il y a, pour le coup, voilà, il y aura quand même... il y aura de quoi... Il y aura de quoi, finalement... Il y a de la matière pour... Non, mais c'est ça, mais c'est surtout que je pense que chacun va arriver à trouver sa place au niveau de l'adaptation. Ah oui, bien sûr, tout le monde peut faire, avec les éléments du conte, sa version vraiment comme il l'entend, parce que c'est quelque chose d'assez universel, et tu peux piocher un peu dans plein de choses du conte, quoi. Donc, c'est un film de Matteo Garrone, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que Roberto Benigni avait déjà joué Pinocchio, justement, dans un film italien de 2002. Et là, en fait, ça va être lui qui va jouer Geppetto cette fois-ci. Oui. Voilà. Ça va être tellement bien de le voir. Ouais. C'est un acteur que j'aime bien. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup. Et du coup, Guillermo del Toro et Marc Gustafsson, c'est un autre projet, sont en train de co-diriger une comédie musicale pour Netflix en stop motion, qui s'inspirera de Pinocchio. Donc c'est ça, c'est pareil, c'est encore un truc complètement différent. Ouais. Donc c'est bien. Il suffit de voir le nombre d'adaptations de Pinocchio, que ce soit en film d'animation ou en film tout court. C'est assez. Il y a énormément de choses, quoi. Mais après, en même temps, c'est bien qu'il y ait plusieurs adaptations qui sortent en même temps, voire quasiment en mêmes années, parce que quand je reprends, par exemple, c'est pas forcément des films exceptionnels, mais quand je reprends Blanche-Neige, par exemple, on en a deux qui sont sortis, il me semble, en 2012, c'était. Ouais. Et c'est vrai que pour le coup, forcément, sachant cela, les studios ne prennent pas les mêmes directions, en fait, en termes d'adaptation. Ouais. Il y en avait un qui était beaucoup plus noir, beaucoup plus axé sur la fantasy, puis l'autre qui était beaucoup plus sur la... sur le conte de fées très classique et puis orienté vers la comédie un peu burlesque. Donc c'était deux films qui racontaient grosso modo la même histoire, mais qui le faisaient de manière très différente et dans des univers très différents aussi. Et du coup, c'était vraiment deux relectures complètement uniques, en fait. Oui, bien sûr. Ouais. Donc au final, est-ce que c'est pas plus mal que quand il y a des adaptations à se faire, elles sortent à peu près en même temps? C'est comme pour Le Livre de la Jungle. Oui. Bon, même si il n'est pas parfait, celui Netflix, mais il a quand même des qualités. Et je pense qu'il est beaucoup plus sombre. Il est quand même plus sombre. Il est quand même beaucoup plus sombre que celui qui est sorti par Disney. En même temps, c'est normal. Mais voilà, quoi. C'est bien que ce soit sorti en même temps. Ce que je voulais dire aussi, c'est que Pinocchio version Disney, du coup, c'est quand même un film assez important pour Disney en général, puisque c'est quand même là où on a la chanson When You Wish Upon a Star, qui est devenue le jingle de Disney. Ah ben, qui est devenue, qui a été reprise partout, que tu entends partout quand tu vas à Disneyland. Disney. Oui, t'as toujours des... disons qu'elle revient dans tous les thèmes qui touchent à Disney. C'est ça, ouais. Donc c'est en plus de ça, ça a laissé une trace indélébile sur la legacy Disney. Ça fait partie de l'identité Disney, tout comme Clochette fait partie de l'identité Disney. Exactement. Le château, c'est des éléments comme ça qui sont piochés de films sont en plus des films eux-mêmes, c'est des marques indélébiles sur... L'identité visuelle et sonore de Disney au monde, c'est le château de Cendrillon ou de la Belle au bois dormant, ça dépend des versions. Et avec Clochette qui passe autour du château et la musique de Pinocchio. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, je voulais dire aussi que du coup, si Robert Zemeckis est choisi, et je trouve que ce serait une bonne idée, surtout parce que il a prouvé avec Bienvenue à Marwen qu'il sait parfaitement filmer des jouets et des marionnettes en action, quoi. Donc, et à côté d'êtres humains en live action. Donc et ça fonctionne super bien, c'est magnifiquement fait. En fait, c'est un des points forts de Bienvenue à Marwen, même si le scénario n'est pas non plus dingo. Justement, comme on disait pour les films de Zemeckis, mais à chaque fois on en ressort avec quelque chose de visuellement qui est très intéressant, et c'est, oui, c'est comme tu disais, un vrai artisan du cinéma. Donc, moi, j'ai revu Les Retours vers le futur il y a pas très longtemps, vous avez revu dans l'année, c'est génial, hein. Oui, enfin, franchement, et puis même, c'est une trilogie, pour moi, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment une trilogie parfaite, quoi. Ouais, tout est cohérent, tout a du sens et tout. Tout fonctionne bien, mais c'est surtout quand, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'éléments visuels de ces films-là qui en plus ne vieillissent pas vraiment. C'est ça, ouais. Et enfin, voilà, pour moi, Robert Zemeckis, c'est bien sûr Retour vers le futur, parce que c'est... Mais c'est pas que ça, mais, oui, non, voilà. C'est plein d'autres choses. Il y a The Walk aussi qui m'avait beaucoup marqué visuellement. J'ai pas vu celui-là. Le film scénaristiquement aussi est pas non plus dingo, mais visuellement, c'est... C'était avec Joseph Gordon-Levitt, ouais, ça. C'est ça, ouais. C'est sur le français qui avait marché entre les deux tours jumelles à World Trade Center dans les années 70, il me semble. Voilà, il a fait Forrest Gump, bien sûr, Seul au monde, Le Pôle Express, Qui veut la peau de Roger Rabbit aussi. Donc voilà, c'est quand même un réalisateur très versatile, en fait, et c'est ça que j'aime beaucoup, mais qui a toujours des super bonnes idées de mise en scène, quels que soient ses films, en fait. Ouais. Et du coup, le deuxième point que je voulais aborder, c'est un peu plus un... C'est pas un débat, mais c'est quelque chose d'intéressant, je trouve. Le fait que faire un film Disney en live action, une adaptation, ça redore le blason d'un réalisateur. Et, c'est vrai qu'en général... Guy Ritchie, par exemple. Oui. Vraiment, tout le monde a revu Guy Ritchie à la hausse après avoir vu Aladdin. Même moi qui pensais que j'étais vraiment pas... Enfin, de base, je suis pas très fan de son cinéma. Mais honnêtement, dans Aladdin, je trouve qu'il a fait un super taf, quoi. Donc... donc voilà, c'est quand même quelque chose de... Non, c'est vrai, moi aussi, à part les Sherlock, que j'apprécie, parce que c'est assez divertissant, mais sinon, je peux pas vraiment dire, oui, que ce soit un réalisateur qui m'ait marqué. Ouais, non, mais c'est sûr, donc voilà, c'est quand même assez intéressant d'évoquer ça, quoi. Oui. Voilà, donc on va passer du coup à la deuxième news, qui concerne Les Animaux Fantastiques 3. Qui a du coup une date de tournage, puisque ça devrait commencer en février 2020, sachant que la date de sortie en 2020 a du coup a été changée à novembre 2021. C'est Dan Fogler, donc l'interprète de Jacob Kowalski, qui a confié qu'ils n'avaient pas encore commencé le tournage et qu'ils débuteront en février. Et la dernière fois qu'il avait eu des nouvelles, c'était que J.K. Rowling écrivait furieusement, d'après ses, voilà, et que tout le monde était content de ce qu'elle avait proposé, et ils attendaient tous le nouveau scénario, quoi. Et tout le monde était content, je ne sais pas, parce qu'ils lui ont quand même rajouté un scénariste, co-scénariste. D'accord. Ok. Ouais. Bon, après, c'est ce que Dan Fogler a dit, hein, donc. Bon, en même temps, il va pas les dire. Voilà, que il va pas dire que les gens, ouais, ils sont pas hyper convaincus du c'est coup. Ça, c'est ça. Mais moi, j'avais lu une news récemment qui disait qu'il lui avait rajouté un co-scénariste qui avait notamment scénarisé les derniers Harry Potter. D'accord. Et moi, je pense que c'est préférable, en fait, parce que il va peut-être arriver à comment dire. À affiner un peu ce qu'elle va mettre. Je pense qu'elle aura le fin mot de l'histoire, bien sûr, mais je pense que lui va affiner un peu ça et va surtout rendre la cohérence, la narration plus cinématographique. Ouais. Parce que c'est vrai que la suite des Animaux Fantastiques, moi j'aime bien quand même. C'est quand même beaucoup de personnages qui discutent, qui se croisent, et puis au final ça aboutit pas à grand chose fin. Donc c'est pas, il y a des problèmes quand même en termes d'écriture dans ce film-là. Au-delà du simple fait des incohérences, parce que bon, ça c'est un autre débat, mais c'est vrai que je trouve qu'en termes d'écriture, le film reste quand même assez complexe. C'est assez laborieux, quoi. Oui, c'est alambiqué. Où le premier était beaucoup plus clair, en fait. Oui, c'est ça. Du coup, en fait, pourquoi ils ont repoussé cette date, c'est déjà pour que J.K. Rowling écrive, écrit, et aussi que, en fait, Warner, apparemment, qui a été échauffé par l'échec de Justice League, il semble vraiment prêt à attendre que le scénario soit parfaitement préparé avant de débuter le tournage, ce qui me semble quand même un truc assez fou, quoi. Oui, en général, je pensais que c'était la base, hein, qu'on... Voilà, qu'on est... On attendait que le scénario soit bouclé avant de commencer un tournage, mais bon, chacun fait... Voilà, chacun fait comme ils peuvent, hein, c'est... Mais après, ouais, je pense que c'est clairement le fait que... Bon, ça doit se faire sur tous les films, je pense que le scénario n'est pas complètement fini au moment de débuter le tournage, mais le problème, c'était Warner de... Ils voulaient rattraper le train de retard qu'ils avaient sur Marvel, ouais, avec Justice League, et du coup, je pense que c'est aussi ça qui a mené à leur perte, quoi, en plus de tous les autres problèmes qu'il y a eu. Voilà, non, mais en plus, les Animaux Fantastiques, c'est quand même quelque chose qui leur rapporte pas mal d'argent. Le premier leur avait rapporté 814 millions de dollars. Et après, le second n'avait rapporté que, guillemets, 653 millions. C'est 200 millions à peu près de moins que... Ouais. Enfin non, 150 millions de moins. C'est pas... Voilà. Bon, à leur échelle, ça doit être... Ça va, c'est pas non plus... Voilà. Ils sont pas à plaindre, franchement. Non. Puis là, peut-être que le casting de Justice League, va arriver à les faire céder pour qu'ils libèrent la Snyder Cut. Oui, bon, ça c'est aussi toute une autre aventure. Oui, mais ça prend de l'ampleur, donc c'est bien. Ouais. L'impression que tout le monde commence à mettre son grain de sel et peut-être que ça peut faire pencher la balance. Et c'est vrai que ce serait bien quand même. Oui, pour qu'on ait la vision de Zack Snyder sur ce film-là, parce que je pense. Franchement, en revoyant et en y réfléchissant, on se dit, ouais, non, mais il y avait certainement autre chose quand même. À mon avis, il avait autre chose en tête quand même. Vu tout ce qu'il nous racontait dans les... Dans Batman v Superman. Même. Je veux dire, ce serait bien. Donc, Warner, il y a du boulot, là. Il faut nous faire un bon niveau Fantastic 3, et puis il faut nous sortir la Snyder Cut, c'est important. Ouais. Mais du coup, t'es quand même impatient de voir ce troisième épisode. C'est un univers qui me plaît, hein. Ouais. J'ai envie de savoir la suite malgré tout. Mais j'espère vraiment qu'ils vont resserrer le truc et que il va y avoir quand même de la cohérence et de la cohérence et puis surtout une vraie qualité quoi au sein de l'écriture de ce nouveau film. Ouais. Est-ce que toi tu espères une conclusion de d'une trilogie du coup ou alors A priori il y a 5 films de prévus. D'accord, ok. Donc, pour moi, non. Ouais. Du coup. Mais après, ils peuvent faire 5 films avec des arcs narratifs qui soient conclus. Oui, voilà. À mi-parcours, hein, c'est possible. C'est possible, ouais. Mais on a un petit peu ça d'ailleurs dans Harry Potter. On a toute la phase où on dit que Voldemort va revenir, et puis après, on a la phase où il est revenu. Ouais. La saga est presque coupée en deux à ce niveau-là. Donc. Pourquoi pas? Mais là, en l'occurrence, Grindelwald sévit déjà, en fait. Donc, à part... Là, c'est vrai que pour l'instant, à part faire chuter Grindelwald, à part voir comment ils arrivent comment on en arrive à l'emprisonnement de Grindelwald à Azkaban, parce que c'est pas un spoil, hein, je veux dire, ceux qui ont vu Harry Potter le savent. Je vois pas... Voilà, à part ça, puis du coup, amener petit à petit les liens vers... vers Harry Potter, mais sans forcément aller à Harry Potter. Oui, mais, non, pas tout de suite. Ouais. Mais amener les liens qui vont, je sais pas, ou parler un peu plus de... Oui, peut-être de Poudlard et tout. Les parents d'Harry, peut-être. Peut-être, oui. La formation du premier ordre du Phénix aussi, ce genre de choses. Ce genre de choses, ça pourrait être intéressant. Ouais. Ouais. Donc voilà, ouais, on en attend quand même un petit peu des choses. Oui, non, c'est un univers, il y a quand même de quoi faire. Hein. Ah oui, non, mais c'est clair. Je pense que là, ils peuvent, enfin, il faut... Oui, à mon avis, enfin, s'ils font les choses bien, ils ont quand même de quoi faire un film, et puis surtout une saga qui tienne la route et qui ait de l'intérêt, quoi. Ouais. Ok, très bien. Du coup, on va passer à un autre univers. Un autre univers, du coup. Guillaume Canet a annoncé qu'il réalisera le prochain Astérix en live action, qui s'appellera Astérix pardon, et Obélix, l'Empire du Milieu, qui est le cinquième film inspiré de l'œuvre d'Uderzo et Goscinny en live action. C'est un scénario original, du coup, donc pas adapté d'une bande dessinée, qui sera écrit par Philippe Michelin et Julien Hervé, qui sont co-scénaristes des Tuches et plus récemment de la comédie Le Doudou avec Kadmerad et Malik Bentala. Si vous avez déjà oublié cette comédie que moi-même je ne connaissais pas, c'est normal. Il me semble que Morgane avait bien aimé. Ah, ok. Très bien. Bon, moi j'avais complètement zappé. Voilà. La deuxième information, c'est que, il l'a annoncé juste après que Guillaume Canet sera dans le rôle principal, du coup, interprétera Astérix et succédera à Christian Clavier, Clovis Cornillac et Edouard Baird. Et Gilles Lelouch enfilera la salopette d'Obélix à la place de Gérard Depardieu. Voilà. Ouais. Et du coup, je vous invite à, si vous ne les avez pas déjà vus, parce qu'ils ont fait quand même le tour un peu d'internet, mais à regarder les images qui sont dans les liens de l'émission. Moi j'ai un peu de mal, je vais pas vous le cacher. Après, je trouve que c'est Guillaume Canet, c'est pas non plus aberrant. De le voir. Moi, jusqu'à l'annonce de Guillaume Canet, ça allait. Mm. Alors, par contre, le fait que Guillaume Canet joue Astérix, j'y crois moins. Mais alors, Gilles Lelouch en Obélix, j'y crois pas du tout. Mais c'est surtout que déjà, ça va être compliqué de s'enlever en tête Depardieu. Oui, parce qu'il a été pendant 4 films. Il a été pendant 4 films, et puis c'est surtout qu'en plus, pour le coup, il l'a pas trop mal interprété. C'est ça, ouais. Il est arrivé à amener toute la candeur qui fait Obélix. Mm. Et donc il y avait, puis bon, puis c'est une autre stature, quoi, hein. Oui. Désolé, mais c'est vrai que Gilles Lelouch, autant Depardieu, veut dire, c'est une masse, quoi. Donc en Obélix ça fonctionne, alors que Gilles Lelouch, ce sera certainement plus compliqué, même avec du rembourrage et du bon maquillage, quoi. Oui, mais j'avais lu ça, je crois que c'était le fossoyeur de film sur Twitter, enfin j'avais vu passer ça, où il disait que Astérix a de plus gros bras qu'Obélix. C'est limite ça, quoi. Ouais. C'est assez aberrant. Enfin, je trouve que c'est au niveau de la cohérence, c'est un peu bête, quoi. Oui, oui, on est bien d'accord. Quand tu le vois de dos. Enfin, il est tout queuse, quoi. Il est. Ouais, oui. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Visuellement, c'est pas. Enfin, c'est pas. Honnêtement, j'attends vraiment de voir des images en mouvement pour me décider vraiment sur si à mon avis ça va fonctionner ou pas. Mais c'est compliqué. Sinon, à part le fait que les acteurs, le fait que Guillaume Canet réalise un Astérix et que ce soit un scénario original par les co-scénaristes des Tuches, toi, est-ce que ça te... Qu'est-ce que t'en dis ? Je ne sais pas. tout peut arriver, quoi. C'est la porte ouverte à un peu tout. Mm. C'est la porte ouverte à un film avec beaucoup de clichés racistes. Mm. Pas faux. Voilà, par exemple. Mm. Non, mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas, un projet qui m'emballe énormément, quoi. Ouais. Moi, je reste vraiment sur la version de Alain Chabat et sur, après, les films d'animation. De tous, tous les films d'animation à peu près me conviennent. Oui. Et les deux derniers, évidemment, me plaisent beaucoup. Mais... Ouais, non, mais moi aussi, j'ai peur qu'on refasse un Astérix aux Jeux Olympiques, qui pour moi est le pire, honnêtement. C'est pas très emballant, en fait, pas trop. comme idée. Je sais plus quel nom avait circulé pour. Enfin, s'il y avait Franck Gastambide aussi, qui était en rumeur, comme quoi il allait réaliser aussi un Astérix en live action. Du coup, pour l'instant, ça se fait pas. Mais je sais pas. Entre Guillaume Canet et Franck Gastambide, je sais pas qui je préfère pour réaliser un Astérix. Je préfère quand même Canet. Ah oui. C'est clair, mais c'est pas très emballant comme information. Non. Donc on va passer tout de suite à autre chose qui concerne du coup la saga Pirates des Caraïbes, et du coup Pirates des Caraïbes, le sixième, devrait être apparemment un reboot, puisque il était initialement confié à Rhett Reese et Paul Wernick, qui étaient les deux scénaristes de Deadpool, mais qui ont quitté le navire en février dernier. Et du coup, va se mettre au scénario Craig Mazin, qui a récemment signé la mini-série sur HBO Tchernobyl, et Ted Elliott, qui sera co-scénariste et qui avait déjà participé aux quatre premiers volets de la saga Pirates des Caraïbes. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'informations. On ne sait pas si... la balance penche pour un reboot. Et oui. On ne sait pas encore si Johnny Depp y sera attaché. A priori, non. Apparemment, je pense que non. Quitte à faire un reboot, autant repartir sur... Disons qu'à mon avis, l'idée du reboot vient surtout du fait que s'il faut un Pirates des Caraïbes 6 qui soit dans la continuité des autres, mais qui soit sans Johnny Depp, ça ne fonctionnera pas. Ouais. Donc, autant faire un reboot. Mais alors, le truc, c'est que le reboot... le dernier est quand même sorti en 2017. C'est pas non plus... 2017 ou 2018, je ne sais plus. Enfin, il est sorti récemment, quoi. Donc, un reboot sous moins de 10 ans, c'est quand même très... Déjà, un reboot après 10 ans, moi, je trouve ça court. Ouais. Et alors que là... on va avoir un truc sous moins de 5 ans, c'est sûr. Ouais, hein. C'est clair. Et du coup, ça fait très... Enfin, pour que le public comprenne que c'est plus du tout la même chose... Oui, les gens se disent, mais il est où, Johnny Depp? Voilà, c'est ça. Ça risque d'être compliqué pour passer à autre chose, quoi. Oui. Alors, sont évoqués un préquel sur le passé du coup de Jack Sparrow ou une adaptation plus fidèle à l'attraction d'origine. Honnêtement, on n'en sait pas plus. Le prochain Disney qui est adapté d'une attraction, c'est Jungle Cruise qui va sortir l'été prochain. Toi, un reboot de Pirates des Caraïbes, est-ce que comme ça te donne envie ou pas du tout? Moi, j'aime bien l'univers de Pirates des Caraïbes, donc pourquoi pas. De voir complètement autre chose, plus Jack Sparrow. Un bon film de pirates, ça me va. Ouais. Parce que déjà en soi, c'est pas si évident à faire que ça, parce que c'est quand même un genre très particulier. Oui. Donc pourquoi pas. Après, moi de toute façon, Johnny Depp, que j'aime beaucoup, m'avait déçu dans le cinquième quand même, parce qu'on sent qu'il est assez en roue libre, et puis on sent qu'il a fait le tour du rôle, quoi. Ouais. Cinq films, voilà, hein, c'est logique aussi. C'est beaucoup, quoi. C'est sûr, le truc, c'est que Johnny Depp et Jack Sparrow sont quasiment la même personne désormais. C'est pas faux. Donc bon, ça me dérange pas plus que ça qu'ils partent carrément sur autre chose, oui. D'accord, ok. Oui, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce que bon. Après, je peux pas vraiment dire que j'ai été déçu par les suivants parce que j'ai vu jusqu'au 2, donc voilà. Mais un jour je me les ferai tous. Il y a vraiment la trilogie qui vaut vraiment le coup. Le 3 apparemment est mieux que. Enfin, le 2 apparemment. Je crois. Est-ce qu'il est mieux? Je sais pas. Disons qu'ils sont dans la même lignée, en fait, les trois premiers. Mais le 2 m'avait un peu déçu, honnêtement. Donc, c'est pour ça que. Ouais. Moi, j'aime bien le deuxième. Donc, Et après, il y en a qui n'aiment pas le deuxième, qui préfèrent le 3. Bon. Ok. Ouais. En tout cas, du coup, pour moi, c'est. Moi, je préfère le 3. Hein, mais, d'accord. Mais sans détester le deuxième, j'aime bien le deuxième. Oui. Non, mais je le déteste pas. C'est juste que j'ai été déçu par rapport au premier, en fait, qui, pour moi, reste le meilleur, honnêtement. Enfin. Oui. Donc voilà. Mais le 3, il y a quand même de vraies propositions de cinéma dans ce film, je trouve. Ouais, mais je vois encore la scène de bataille tout en haut du navire dans la bande-annonce. Ils se battent dans un maelstrom, donc voilà, c'est assez impressionnant. Et puis même, il y a beaucoup d'emprunts faits au western et qui, du coup, se fondent très bien dans l'univers de la piraterie. Donc il y a plein de bonnes choses quand même, je trouve, dans le 3. Toute l'ouverture aussi à Singapour est vraiment intéressante. D'accord. Ouais. Ouais. Donc honnêtement, ce sera une bonne idée, mais le problème c'est que s'ils le sortent d'ici 2-3 ans, plus personne va rien comprendre. En tout cas au niveau du public, générale, ça va peut-être mal passer, je pense, de plus voir Johnny Depp. Non, je pense que Disney, il faut vraiment qu'ils prennent le risque de produire une nouvelle saga originale et surtout à en faire la promo massivement comme ils peuvent le faire pour d'autres franchises. Exactement, ouais. On persiste à dire que s'ils avaient fait la promo comme il faut de Tomorrowland, il y aurait possiblement eu plusieurs films en plus. Voilà, c'est ça. Et ça aurait été tellement bien. Oh, putain, oui. Parce que en plus la fin du 1, elle s'ouvre sur tellement de choses. Bah, disons que ça reste une fin ouverte. Voilà, c'est ça. Mais bon, le film n'a pas de suite, mais ça fonctionne quand même. C'est ça. C'est pas décevant de pas avoir de suite, mais si on a vu le premier. Mais c'est quand même moi je m'y attendais quand même un petit peu, mais bon, vu ce que ça a rapporté au box-office, je pense. Mais c'est pas les retours, hein, c'est vraiment le chiffre d'affaires là qui est pas bon, hein. C'est ça, ouais. Donc voilà, passons à complètement autre chose, du coup l'univers Conjuring. Les frères Chad et Kerry Hayes, qui sont à l'origine de la franchise Conjuring, se penchent actuellement sur une nouvelle série de films qui porteront sur la célèbre maison LaLaurie, située en Nouvelle-Orléans, et connue pour être un des endroits les plus sinistres des États-Unis. C'est pour rappel, au 19e siècle, du coup, la maison Delphine LaLaurie, personnalité mondaine du quartier français de la Nouvelle-Orléans, était le théâtre... Vieux carré. Oui, c'est ça. Était le théâtre d'actes de torture sur une centaine d'esclaves noirs. La propriétaire des lieux, pourtant, était respectée par la société et enchaînait et mutilait les familles dans les sous-sols de sa maison. Et du coup, un incendie survenu en 1834 leva le voile sur ces nombreuses atrocités. On peut toujours visiter la maison aujourd'hui. Oui, d'ailleurs... C'est d'ailleurs une attraction de la Nouvelle-Orléans. Ouais, j'ai une anecdote là-dessus. Bon, d'abord, les scénaristes écriront les premières ébauches des films à l'intérieur de la maison, qui a pourtant... elle a été interdite au public en 1932, mais maintenant on peut la visiter. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tu savais qu'en 2007, Nicolas Cage, il avait acheté la maison pour... 3 millions de dollars à peu près. Oui, je sais. Et qu'il l'a cédé 2 ans plus tard en raison de difficultés financières, qui est quand même quelque chose de plutôt... Enfin, c'est une anecdote croustillante comme ça qu'on aime bien dévoiler. Et du coup, pour ceux qui ont vu American Horror Story, la saison 3, connaissent déjà cette histoire, puisqu'elle a été adaptée à l'écran en 2013. La saison 3, du coup, que je n'ai pas encore vue, je suis à la fin de la saison 2, voilà, que j'aime beaucoup. Et je suis impatient de découvrir du coup cette saison 3. Le fait que du coup les créateurs de Conjuring s'intéressent à cette histoire, toi, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Oui, parce que c'est vraiment moi c'est vraiment, enfin c'est un personnage que j'avais beaucoup aimé dans American Horror Story justement. Et d'ailleurs Kathy Bates l'incarnait très très bien. Mais après c'est enfin déjà moi j'aime bien toute la culture Nouvelle-Orléans et tout ça, ouais. et même si c'est sombre, ça fait partie de l'histoire de la Nouvelle-Orléans. C'est vrai. Donc dans la série, il la confronte à Marie Laveau, qui du coup est un peu la maîtresse du vaudou. Ouais. Les liens entre les deux sont vraiment vraiment très bien. Moi j'aime bien la saison 3 d'American Horror Story, il y en a beaucoup qui n'aiment pas vraiment, mais moi j'aime bien la confrérie de sorcières. Le couvent de sorcières à la Nouvelle-Orléans, ça fonctionne bien. Mais je pense qu'il y a vraiment matière à raconter. Alors après, le truc, c'est qu'ils vont certainement faire un genre de torture porn un peu. Ouais. Après, c'est pas forcément ce qui m'attire, mais... Les créateurs de Conjuring, même si je ne suis pas très fan du film Conjuring du premier, je reconnais ses qualités visuelles et tout ça. Bon, après, ça tient peut-être plus du réalisateur que d'autres choses. Mais c'est plutôt classe dans la manière dont c'est fait. Ce n'est pas non plus très, trop démonstratif, au moins au début en tout cas. Donc, après, je ne sais pas s'il leur suffit d'avoir un bon réalisateur pour faire ça. Et je pense que... ça pourrait être fait aussi classieusement qu'a été fait le premier Conjuring, quoi. Oui, c'est sûr, mais après, c'est vrai que moi, j'ai pas forcément vu les sauts, parce que, me dit voir des gens se découper des membres pour se sauver, machin, c'est pas forcément des trucs qui m'attirent. Morgane m'a toujours conseillé de voir au moins le premier. Ouais, moi aussi, on m'a toujours conseillé de voir le premier. Pour l'instant, j'ai vu aucun. Donc, Mais du coup, ça ne m'attire pas des masses. C'est pas forcément, enfin, c'est pas ce que je recherche, quoi. D'accord. Le gore pour le gore m'emmerde, en Ouais. fait. Alors que le frisson m'intéresse plus. Et là, là même si l'histoire. L'histoire. Enfin, le truc, c'est que le. Dès que forcément, on parle d'une maison où il y a eu des sévices et des tortures. Donc voilà. Ouais. Après, si c'est dans l'univers Conjuring, ça peut être amené de manière plus axée sur l'effroi quand même. Oui, c'est Donc justement voilà. ce que c'est justement ce que je pensais. Enfin, je pense qu'ils vont faire ça. Je suppose qu'ils sont assez intelligents pour trouver une bonne méthode de lier tout ça à l'univers Conjuring. C'est surtout que je pense qu'ils ont quand même compris que les spectateurs de Conjuring et du Conjuring Annabelle et tout Universe, du ça, coup, voilà. n'étaient pas forcément les spectateurs de Saw, en Ah non, fait. non, clairement. C'est pas le même public. Enfin, ça peut être le même public, mais c'est pas les mêmes attentes. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà. Non, non, mais c'est clair que ça pourrait vraiment être intéressant. Et moi, je suis curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Donc voilà. Passons à la suite, du coup, avec une nouvelle concernant l'univers Star Wars. Fallait bien qu'on y vienne. Oui, effectivement. Du coup, c'est. Alors, à la base, les créateurs de la série, pardon, Game of Thrones, donc David Benioff et D.B. Weiss, étaient engagés pour écrire une nouvelle trilogie pour Disney et Lucasfilm. On en avait parlé pas mal en détail sur des précédents, pardon, cinéma. Du coup, cette trilogie, finalement, s'était transformée en un seul film il y a quelques mois. Et finalement, les créateurs, enfin, David Benioff et D.B. Weiss ont annoncé que finalement, ils ne feront pas ce film ou cette trilogie, puisque, enfin, la raison qu'ils ont invoquée, c'est. On a signé un contrat d'exclusivité avec Netflix pour y développer des films et des séries d'ici 2021-2022. Et la deadline ne fonctionnait pas avec le fait de produire une trilogie ou même un film Star Wars. Voilà. Pour une fois que c'est pas une histoire de désaccord artistique. Alors, derrière, ça c'est la raison officielle. Oui. Hollywood Reporter du coup a investigué un peu plus et du côté de Lucasfilm c'est Kathleen Kennedy qui est présidente et productrice principale de Lucasfilm qui s'est un peu inquiétée face à la faculté de s'investir pleinement dans deux projets différents Oui. chez Netflix et chez Disney. Elle a raison en même temps. Voilà, c'est pas faux. Du coup, ça fait une raison. En plus de cela, le fait que Disney ait lancé Disney+, qui est di compétitif direct avec Netflix, est un peu un conflit d'intérêts. C'est une deuxième raison qui n'a pas été évoquée. Et la troisième, sachant, c'est selon les sources de Variety, c'est que l'intrigue devait explorer l'origine des Jedi. Quelque chose qui pourrait vraiment être intéressant, Oui. qui a déjà été exploré dans les jeux vidéo et dans les bouquins Star Wars, mais qui sont maintenant plus canon depuis qu'ils sont passés chez Disney. Et du coup, quelque chose qui aurait pu être complètement nouveau. L'origine des Jedi a apparemment provoqué des divergences créatives avec les dirigeants de Lucasfilm. Et puisqu'il n'y a pas quand même les mauvais retours sur la dernière saison de Game of Voilà. Thrones. Alors ça c'était pour moi, c'était pour du côté de Lucasfilm et du côté de Benioff et Weiss, c'est toujours Hollywood Reporter qui rapporte ça. C'est que le fait est qu'ils avaient déjà subi les foudres de certains fans en début d'année lorsque l'ultime saison de Game of Thrones a été diffusée, et ils auraient été réticents à l'idée enfin, ils ont été refroidis aussi par la réception des derniers Jedi. Et l'acharnement de certains spectateurs contre Rian Johnson. Ah, c'est Et ça. du coup, ils auraient préféré ne pas s'exposer à ce que la source décrit comme, entre guillemets, une communauté de fans toxiques. Fermez les Mais guillemets. oui. Ce qui n'est à mon humble avis, et là j'engage toutes mes pépettes, c'est pas faux. Ah oui, non, complètement. Ah non, non, c'est clair. Ouais. Non, non. Au bout d'un moment, les gens qui disent oui, ça ressemble trop au premier, machin, faites des trucs originaux, ah ben on vous sert un truc original et puis vous êtes pas. Enfin, au bout d'un moment, il faut savoir quoi. Voilà, c'est donc, ça. Donc il y a ça, mais c'est surtout que quand même, il y a une vraie difficulté, je pense, en termes de production au niveau de Star Wars, parce que il y a. Bon, là, ils vont clore un arc narratif qui s'étale sur plus de. Enfin, divers arcs narratifs qui s'étalent sur combien? Une quarantaine d'années maintenant? Ouais, 70, de 77 à 2019. 77 à 2019, donc ça fait bien plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Donc bon, déjà voilà. Et c'est surtout que en fait l'épisode 9 a plusieurs missions. Il doit clore tout ça, mais il doit aussi réconcilier les fans. Avec l'univers Star Wars, les fans qui sont déçus du 7 et du 8. Ouais. Voilà. Et à côté de ça, il y a aussi tous les retours par rapport à Solo qui a quand même bien freiné la frénésie de Disney sur Star Wars. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte au niveau de la production d'un nouveau Star Wars. Aujourd'hui en fait et je pense que Disney qui voyait vraiment en Star Wars la poule aux œufs d'or ils l'ont pas racheté bien cher hein, l'investissement il a été remboursé depuis très longtemps ne serait-ce qu'avec le marketing et le merchandising et tout ça mais malgré tout produire faire un nouveau Star Wars ça engage énormément de frais je pense quand même ils se disent bien que si on produit un film qui marche pas puis un deuxième qui marche pas puis un autre qui plaît pas aux fans au bout d'un moment c'est quand même produire des choses qui sur la durée ne peuvent pas forcément donner à d'autres suites Donc, en termes d'industrie, il y a une vraie problématique en fait, qui s'est installée dans la production des Star Wars. Je pense qu'ils réfléchissent à tout ça. Donc, forcément, mettre deux mecs qui se sont fait lyncher, mais comme des merdes, sur la dernière saison de Game of Thrones. Alors, honnêtement, la dernière saison... Même si on n'est pas d'accord avec ce qu'ils ont fait, je ne suis pas au courant parce que je ne veux pas me faire spoiler, parce que je lis les bouquins, d'accord avec ce qu'ils en ont fait, honnêtement, on va pas lyncher des créateurs juste pour... C'est sûr, mais après, bon, moi, j'ai quand même un souci... après, on peut dire on n'est pas d'accord, mais aller les attaquer directement... Non, mais c'est vrai que quand tu vois la dernière saison de Game of Thrones, comment il y a beaucoup de choses... Enfin, tout va trop vite, en fait. Le principal défaut de cette saison-là, c'est pas forcément ce qui est raconté. Il y a énormément de choses à conclure, parce que l'univers est gigantesque, en fait. Mais le truc, c'est que, en fait, dans la saison 7 et la saison 8 de Game of Thrones... Il y a plein de choses qui sont racontées et qui d'habitude auraient été faites en 2-3 saisons. Là, il faut tout raconter en 2 saisons. Mais vraiment, il y a des choses qui se mettent en place dans la saison 7 qui sont terminées du coup dans la saison 8 forcément. Mais d'un autre côté, il y a des choses qui se mettaient en place dans la première saison et qui se terminent que dans la 8e. Ouais. Donc il y a un décalage en fait à ce niveau-là et il y a notamment des destins de personnages importants, principaux. Qui bascule dans la dernière saison, mais alors ça va super vite et du coup ça perd en cohérence et forcément, sachant que les deux kékés là, ils étaient engagés pour aller écrire du Star Wars, on se dit c'est bon quoi, de toute façon Martin il a pas fini ses bouquins donc les deux autres ils se sont dit bon on va trouver une fin à Game of Thrones, on va comme ça 8 saisons c'est bien, c'est ni trop long ni pas assez, et puis nous on va aller faire du Star Wars, et c'est ça un peu qui est décevant, c'est qu'on se dit ils nous ont un peu bâclé la fin de Game of Thrones pour aller faire du Star Wars, et puis merde, ils restent pas sur Star Wars du coup, ça valait bien le coup de bâcler votre boulot, donc voilà, donc c'est un peu ça qui est décevant, c'est pas forcément, c'est tout ce que je reproche, c'est pas forcément ce qu'ils ont voulu raconter, mais c'est la manière du coup et le peu d'éléments qu'il y a en fait pour lier l'ensemble qui fonctionne pas. Donc dans un sens ça leur fait les pieds, je pense aussi. Après, c'est eux qui ont décidé de quitter. Ouais, mais je pense que s'ils l'ont fait, c'est par acquis de conscience, ils se sont rendus compte aussi. Qu'ils n'allaient pas pouvoir gérer. C'est ça. C'est quand même compliqué, je veux dire. T'attends, quand t'es sur un Star Wars, enfin, t'y es à fond, hein. Vu l'ampleur du truc, en plus sur une nouvelle trilogie, ouais. Même si ça aborde des éléments, bon, si tu parles de la création de l'ordre Jedi, forcément ça touche à des éléments qui sont déjà en place, que tu peux pas trop bouger, mais quand même, il y a quand même beaucoup de choses, à mon avis. Il y a beaucoup de choses à inventer, Oui. Ouais. C'est ça ce que Kathleen Kennedy le dit. J'ai lu une interview de Kathleen Kennedy hier, et du coup ça fait écho à plein de trucs. Et elle le dit, elle fait, quand on écrit un nouveau Star Wars, on part pas avec une base de roman, une base de BD. Elle fait, on invente en fait. Ouais. On réfléchit à l'avenir d'une saga en fait. On n'est pas dans l'idée, bon, on va adapter le tome 7. Oui, voilà. C'est ça. Ouais. Donc elle fait, voilà, c'est pour ça que parfois il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et justement, elle expliquait là-dedans pourquoi Colin Trevorrow n'était pas resté, c'est parce que ça fonctionnait pas, tout ça, plein d'éléments comme ça. Mais je pense que voilà, hein, de toute façon, Kathleen Kennedy, c'est loin d'être la dernière déconne. Non, bah non. Elle sait mener la barque Star Wars, c'est une grande productrice de cinéma. Et oui, pour moi, elle connaît vraiment bien son affaire, et le jour où elle quittera le navire, je pense que Disney aura du souci à se faire pour la suite. Pour la remplacer. Quoi. Ah oui. Et il faut pas qu'ils aillent mettre quelqu'un comme Kevin Feige, parce que Star Wars, ça se gère pas comme du Marvel, quoi. Ah, moi j'aimerais bien voir Pete Docter. Ouais. Mais après, c'est parce qu'on a eu des news comme quoi le président de Disney, il me semble, hein, voulait virer toutes les anciennes pontes de Pixar, puisqu'ils sont trop vieux apparemment pour réaliser des films. Bref, ça c'est un autre sujet très passionnant. Mais ouais, du coup, c'est pas une mauvaise chose qu'ils aient arrêté de faire leurs films et ils se concentrent sur leur projet Netflix, et qu'ils se concentrent pleinement sur un seul sujet et pas sur qui s'étale sur plein de choses. Et surtout, je pense que honnêtement, les fans de Star Wars ne leur auraient jamais pardonné s'ils avaient fait ne serait-ce qu'un mauvais Star Wars. De toute façon, on voyait, hein, déjà sur la toile, les gens. Si c'est pour nous faire la même chose qu'avec Game of Thrones, c'est pas la peine. Hein. Oui, voilà, c'était très mal parti, honnêtement. Je pense qu'ils déjà ils devaient recevoir plein d'insultes déjà avant même d'avoir commencé à écrire ou quelque chose. Ils devaient, juste quand ça a été annoncé. À mon avis, il y a quand même beaucoup d'éléments qui font qu'ils ont pris cette décision au-delà du simple fait d'avoir un contrat chez Netflix. Ouais. Voilà. Donc, je pense que l'excuse Netflix, bon, elle est légitime, mais elle est bien pratique, parce que on peut se détacher de ça, quoi. Ouais. Très bien. Passons à la news suivante qui concerne, qui me fait très très plaisir, parce que ça concerne mon film préféré de 2018. Donc Spider-Man New Generation. On savait qu'il allait y avoir une suite, et du coup là c'est vraiment confirmé, et il y a même une date américaine pour le 8 avril 2022. Il va falloir patienter, mais bon, comme toute bonne chose, il faut savoir patienter. Sachant que ce genre de film, visuellement et scénaristiquement, je pardonnerai pas si c'est pas au point. S'ils prennent pas leur temps pour le réaliser et pour l'animer, pour le scénariser, et que c'est pas aussi bon que le premier, moi je serais très déçu, honnêtement. Sachant que Phil Lord et Chris Miller sont toujours producteurs et scénaristes à l'heure qu'il est, sachant qu'ils ont la tendance à laisser la... Pour Lego, par exemple, ils ont laissé la suite à d'autres personnes. Ils entament des choses et ils laissent la suite aux autres, souvent. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas et qu'ils restent producteurs et scénaristes de cette suite. Au niveau du réalisateur, c'est Joaquim Dos Santos qui remplace le trio de réalisateurs Peter Ramsey, Bob Persichetti et René Rothman. Donc la tâche, ça s'annonce ardue, du coup, moi je suis très très impatient de voir ce qu'ils vont pouvoir faire, sachant qu'on a eu un petit teaser avec plein de logos Spider-Man différents. Pour rappel, ceux qui n'ont pas vu ce nouveau Spider-Man, que je l'invite tout le monde à regarder. Ça développe le multivers, et du coup la multitude de Spider-Man différents, et du coup par exemple on avait eu un Spider-Man qui qui est appelé Spider-Man Noir et qui est dans l'univers des films noirs des années 30. C'est une espèce de détective. On a eu Penny Parker qui était plus une version animée manga de Spider-Man. Gwen Stacy, voilà. Et du coup, moi j'espère. Enfin, de toute façon, ça suivra du coup Miles Morales, qui est le personnage principal du premier film, qui est le nouveau Spider-Man du coup. J'espère qu'on découvrira plein de nouveaux Spider-Man tout aussi intéressants et drôles aussi, parce qu'il y a eu, par exemple, il y a eu Spider Cochon et qui. Voilà, honnêtement, ça partait d'une blague et je trouve qu'il fonctionne très très bien et il a même ses moments un peu triste dans le film. Oui, oui. Donc, merci les Simpsons en fait pour Spider Cochon. Oui, voilà, c'est ça. voilà, c'est honnêtement, moi je suis très très heureux qu'il y ait une suite à ce film parce qu'il méritait vraiment et sachant qu'il a remporté l'Oscar du film d'animation en 2019, oui. Lauréat du. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est tout à fait mérité. Toi, tu l'attends aussi, je pense. Alors moi, je l'attends. J'ai juste une condition, en fait, c'est qu'ils ne nous refassent pas, en fait, c'est qu'ils reprennent papier dans une autre version de Spider-Man et du coup, qu'il y ait tous les autres qui déboulent. Je pense que ça fera trop rappel du premier, en fait. Ouais, ouais. Sachant que, honnêtement, le running gag du premier qui était génial, hein, c'est qu'on rappelait toujours l'origin story de Spider-Man à chaque fois. On disait même aux spectateurs, ah, mais vous l'avez entendu 3000 fois, mais on va vous le refaire. Et il le faisait toujours d'une manière assez astucieuse et originale pour que ce soit pas lassant. Oui, parce que comme tu dis, c'était un gag. Voilà, c'était un vrai gag et ça fonctionnait très bien dans le premier film. Et du coup, comme toi, j'espère que ce sera pas non. Enfin, non, mais honnêtement, moi, j'ai pleine. Si c'est Phil Lord et Chris Miller à la scénario et qui sont producteurs, moi, je leur laisse tout. Enfin, toute la direction artistique. Dans la mesure où ça a marché, il n'y a pas de raison que Sony. Ne veuille pas d'eux, en fait. Oui, c'est ça. Mais après, c'est plus eux, s'ils ont envie de faire autre chose ou pas, je sais pas, tu vois. Pour l'instant, c'est... Tout dépend de si l'univers leur parle ou pas. C'est ça. Je pense que pour l'ego, ils avaient vraiment une idée qui fonctionnait. Ouais. Qu'ils n'avaient pas forcément prévu de développer après, quoi. Oui, voilà, c'est peut-être possible. Donc voilà, moi, je suis très très content. Passons à la suite rapidement, du coup, avec une bande-annonce pour Bad Boys 3. Du coup, 10 ans après l'annonce, après des rumeurs comme quoi Will Smith et Martin Lawrence reprendraient leur rôle des deux premiers films, cette fois-ci c'est fait et du coup ce film sortira le 22 janvier 2020 en France, il s'appelle Bad Boys for Life. Il est réalisé par, c'est plus Michael Bay qui réalise le film comme il l'avait fait pour les deux premiers. Il cède sa place à deux jeunes cinéastes belges qui sont Adil El Arbi et Bilal Falal, qui avaient réalisé des films d'action policiers, Black et Gangsta, qui ont attiré l'attention des producteurs hollywoodiens. Et du coup, eux sont toujours liés d'ailleurs à la mise en chantier du quatrième Flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy. Une bande annonce. Moi, personnellement, c'est pas des films. Déjà, je les ai pas vus, les films, donc voilà. Les deux premiers films. Mais j'ai trouvé que la bande annonce, visuellement, elle avait quelque chose, quoi. C'est toujours, honnêtement, au niveau du scénario, va pas falloir s'attendre à grand chose. Hein, c'est genre Martin Lawrence qui est trop vieux pour ses conneries, comme dans L'Arme Fatale, et Will Smith qui est encore qui se croit jeune, et en même temps ça fonctionne bien parce qu'il a la tête qui change pas, mais il vieillit pas ce mec, mais chef de police et du coup qui est encore un peu foufou qui fait des trucs que Martin Lawrence se dit je suis trop vieux pour ces conneries comme voilà. Toi tu as vu la bande annonce du coup? Non, parce que ça m'intéresse pas du tout. Ça t'intéresse pas du tout? Ah non j'en ai pas vu un seul et ouais. Honnêtement, moi ça m'intéressait pas du tout et au vu de la bande annonce je trouve que c'est visuellement c'est très réussi en fait. Et ça a l'air d'être un super film. Enfin, honnêtement, même si on va pas s'attendre à grand chose d'extraordinaire, mais je trouve qu'il y a des propositions visuelles qui sont plutôt intéressantes et qui sont voilà, qui font renaître un peu cette saga et qui font pas non plus trop Michael Bay, c'est ça aussi. C'est plus jeune, c'est un peu plus ouais, moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé cette bande annonce, même si bien sûr il y a un peu le cahier des charges Michael Bay aussi, avec des gunfights, des explosions, évidemment, des courses poursuites, on peut pas y échapper, mais en tout cas voilà. Après, de là à ce que j'aille voir le film, ça reste discutable, mais je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose d'intéressant. Moi, je vous conseille de regarder au moins la bande-annonce pour voir, pour vous faire votre propre avis. Passons du coup à la suite, qui intéressera plus Eddie et moi-même d'ailleurs. Du coup, c'est la première bande-annonce de Soul, le nouveau Pixar. Nouveau Pixar de Pete Docter, du coup, qui a réalisé Monstre et Compagnie, Là-haut et vice versa. On a eu la première bande-annonce. Alors, moi, je vais. Ce qui est bien avec cette bande-annonce, que j'adore toujours, c'est que ça en dévoile pas trop, qu'on n'en sait pas grand-chose, qu'on sait juste le minimum et ça suffit. Le problème, c'est que le résumé qu'ils en font dans l'article d'Allociné, ils vont déjà plus loin que la bande-annonce en expliquant pas mal de choses sur le contexte, etc. Et moi, j'ai pas envie vraiment de vous le faire parce que c'est dommage. Et j'étais un peu déçu qu'ils le fassent parce que je voulais pas le savoir. Mais bon, j'étais un peu obligé de lire le truc. Le film sort le 24 juin prochain, donc 3 mois seulement après En Avant, qui sortira le 4 mars 2020. Donc moi je suis très très heureux que Pixar fasse deux films dans la même année en 2020, donc ça va être une année exceptionnelle déjà, en termes de cinéma d'animation, et cinéma tout court hein, d'ailleurs. Voilà, et du coup de cette bande-annonce, moi j'ai aimé énormément de choses, que ce soit l'aspect un peu jazzy du début. Puisque on sait que le héros a l'air d'être un musicien de jazz, et du coup je vais visuellement on va en parler, mais c'est encore plus beau que vice versa en termes d'animation des humains, je trouve. Oui. Qu'ils ont passé un cap, honnêtement, parce qu'ils ont quand même un faciès assez cartoon. Mais c'est la première fois que, enfin, de mémoire, que Pixar fait des personnages à taille humaine, en fait, avec des grandes jambes et avec un corps proportionné, quoi, sauf la tête qui reste un peu cartoonesque. Et puis des grands yeux qui sont... Ouais, qui sont très expressifs. Mais à part ça, c'est honnêtement, c'est super bien réussi, quoi. On a quelques images dans New York, on voit par exemple chez un coiffeur, etc. On voit les ombres, l'éclairage et tout ça. C'est très très joli. Moi, je suis très très impatient de le voir. Voilà. Et du coup, ce musicien va tomber dans un monde, on ne sait pas trop encore quoi, où son âme va rencontrer d'autres âmes. Et du coup, le film a pour but ils vont se poser la question d'où viennent les rêves, les passions, les centres d'intérêt et ce qu'ils font d'un être humain, ce qu'il est fondamentalement, quoi. Donc voilà, ça a l'air très... Et aussi, du coup, le monde des âmes, c'est très très joli. On a des petits bonhommes... un peu à la vice-versa aussi, hein. Ça fait un peu penser, on a des... on voit aussi des petits poils qui sont hérissés, c'est pas tout lisse, c'est ce qui est plutôt... Enfin moi j'aime beaucoup cet aspect, justement on a des petites aspérités, on n'a pas que un personnage super lisse d'animation qui a aucun défaut et qui... On a l'impression qu'il est en plastique, quoi. Là on a vraiment l'impression que c'est des petites bestioles qui peuvent se balader. Et du coup voilà, moi j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup le réalisateur, c'est peut-être mon réalisateur de Pixar, chez Pixar préféré, en tout cas il a fait mes Pixar préférés je crois, donc honnêtement je suis extrêmement impatient de découvrir ce qu'il va pouvoir nous en faire, sachant que comme je l'ai dit au début, ils dévoilent rien dans la bande-annonce, et c'est ça que j'adore. Oui. C'est que je veux pas en savoir plus, en fait. Je veux aller, je veux juste avoir vu ça et aller m'installer au cinéma et découvrir ça cet été, quoi. Donc, c'est... moi, je suis très, très, très, très impatient. Eddie, toi, qu'est-ce que tu... Bah, oui, oui, ça, ça fait partie vraiment des films que j'attends beaucoup l'année prochaine. Pour, en fait, pour tout ce que tu as évoqué, hein, j'ai pas vraiment grand chose à en dire de plus, mais oui, et puis le thème, vraiment, je pense qu'il y a énormément de choses à raconter. Et, Ouais, c'est ce qu'il disait dans l'article Halluciné, c'est un peu un mix entre Vice Versa et Coco, puisque c'est, on va parler d'émotion du coup. Au niveau de l'âme du coup directement de la personne, mais en plus ils vont aborder du coup le sujet de la mort, de l'après ou de l'avant-vie. Donc c'est quand même voilà, c'est toujours quelque chose de risqué à aborder. Ils arrivent toujours très très bien, donc moi je me fais aucun souci sur ce film. Je pars très très confiant, honnêtement. Oui. Après, c'est vrai qu'il y a, faut toujours, toujours un, faut toujours qu'il y a un, ça soit accessible, quoi. Donc, c'est, oui, ça reste un pari risqué, mais c'est bon, ça. Ils sont, le truc, c'est qu'on sait qu'ils sont capables, donc. Ils l'ont prouvé à de multiples reprises, et de toute façon, ils sortiront pas un film qui n'est pas à leur standard de, voilà, même les, enfin, je veux dire. Les Pixar les moins bons, ils ont quand même quelque chose d'intéressant à eux, quoi. Que ce soit Arlo ou... Moi, j'ai pas vu un seul Pixar qui m'est totalement déplu. Hein. Ouais. Ça n'existe pas, en fait. Après, hormis les Cars, Cars, quoi. Mais, pas encore, Cars, c'est pas des films que je déteste, c'est juste que je trouve ça un c'est peu pauvre pour du Pixar, en fait. Ouais, ça me gênerait moins si c'était du Disney ou du DreamWorks, en fait. Ouais, ouais. C'est vrai. Donc, voilà, quoi. C'est toujours très, très... au moins... super impatient. ok, très bien. Passons à la suite avec du coup une saga d'horreur qui est très connue et qui devrait faire son retour. Donc ça fait 8 ans qu'il n'y a pas eu d'opus de Scream, du coup la saga de Wes Craven qui avait réalisé le dernier. Donc maintenant, malheureusement, il est mort le 30 août 2015. Du coup... c'est Spyglass, donc via Lantern Entertainment, qui a acquis les droits de Scream suite à la banqueroute de Dimension Films. Ils ont acquis les droits de Scream et les droits de Hellraiser, qui est aussi en chantier à nouveau. Mais du coup, pour Scream, il y a eu la série que je n'ai pas vue, mais qui... d'après Morgan est une atrocité. Bah, c'est pas terrible, terrible, mais oui. Ouais. Il y a pire, mais il y a beaucoup mieux, oui. et du coup, on ne sait pas encore si il y aura des, enfin si ça va faire revenir des personnages cultes comme Sidney Prescott interprété par Neve Campbell ou Gale Weathers qui était interprété par Courtney Cox. Après, il parle bien de cinquième volet, donc. Ouais. Je sais pas si... Mais après, il y a des cinquièmes volets de saga comme ça qui font table rase du passé et qui passent complètement à... Enfin, voilà, pour en avoir vu dans Halloween ou dans d'autres sagas, c'est... je peux dire que c'est un peu le cas dans ce genre de choses. Ce qui est aussi à noter, c'est que le scénariste original, du coup, Kevin Williamson, qui avait scénarisé les 4, ne sera pas de la partie, du coup. Donc c'est un peu on s'éloigne encore plus de ceux qui ont fait Scream ce qu'il est, donc ça, on va voir s'ils font un genre de reboot ou alors s'ils gardent des éléments ou alors si on passe sur de nouveaux personnages, on sait pas vraiment, mais du coup le fait qu'un nouveau Scream au cinéma soit fait sans Wes Craven et sans Kevin Williamson, est-ce que pour toi ça a un intérêt quelconque ou pas du tout? Je sais pas, en fait. Moi, c'est vrai que je suis plus nostalgique des trois premiers. T'aimes pas le 4? J'aime bien le 4. Si, j'aime bien le 4, mais c'est vrai que j'ai découvert les premiers quand j'étais petit. Ouais, ouais. Moi, c'était hyper subversif pour moi de découvrir Scream. Ah, oh, mais t'as vu, je regardais des films d'horreur, quoi. Alors, bon, Ouais, c'est... aujourd'hui, Scream, je regarde ça. Après, c'est vrai que le Le... premier, moi, Ouais. j'adore vraiment, hein. Non, non, le premier, il est vraiment excellent. Enfin, c'est vraiment, vraiment excellent. Après, le 2 et 3, il y a des... Enfin, ça fait un peu blague, quoi, C'est mais... ça. Le 3, il y a vraiment quelque Ouais. chose qui tient du comique, je Oui, trouve, dans le le 3... 3. Bon, qui me fait rire aussi, hein. Mais de manière générale, de toute façon, enfin, y a les films de Wes Craven ont quelque chose qui peut facilement aller vers le comique, parce que quand je Ouais. pense à Cursed aussi, son film de loup-garou, y a quelque chose d'assez drôle. Enfin, un loup-garou qui fait un fuck, déjà, c'est drôle. Oui, voilà. Et cette patte-là, en fait, que j'aimais bien. Donc je me dis, c'est vrai que sans Wes Craven, Peut-être qu'on va perdre un peu l'humour de ben on va la... perdre, après l'humour, oui, mais on va surtout perdre en fait sa verve à lui, quoi, son truc, sa patte Ouais. artistique et puis Oui. sa manière de raconter. Et c'était déjà le cas dans la série, en fait. La série, ben déjà, voilà, ils sont tous avec leur smartphone. C'est beaucoup plus. En fait, Scream, ça a quelque chose. Enfin, c'est pas évident de moderniser quelque chose comme Scream. Ouais. Le 4 trouvait quand même le juste milieu. Il y avait Oui. les caméras, il y avait des trucs. Ça allait encore à peu près. Mais c'était le Mais c'était en maximum, quoi. 2011. Ouais. Ouais. Mais c'était le Maintenant, maximum pour moi. ouais. Non, mais c'est vrai que c'est... Je sais pas, honnêtement, ce que ça va donner. Sachant que j'espère qu'ils vont pas faire un reboot à la Nightmare on Elm Street ou des choses comme ça, parce que... enfin Freddy du coup, parce que c'est absolument atroce le reboot qu'ils ont fait en 2010, enfin le remake plutôt. Ouais, non, j'espère qu'ils feront pas ce genre de bêtises et qu'ils feront pas, en fait le problème avec ce remake de 2010, c'était d'avoir enlevé tout ce qui faisait l'ADN de Freddy, donc l'humour, et du coup d'en avoir fait quelque chose de très très horrifique pour Ouais. le soi-disant public de 2010, quoi. Donc, qui voulait que plus d'humour et un truc très glauque, très noir, très dark, et voilà, où ça fait vraiment peur, alors que ça fait vraiment pas peur, mais bon. Bref, Oui. non, moi j'espère qu'ils garderont quand même un peu de l'ADN de Scream. Après, en plus, sachant que c'est même plus Dimension Film qui va le faire, c'est quand même. On perd quand même pas mal d'éléments qui faisaient. Enfin, qui faisait ce que Scream était, quoi. Donc c'est un peu dommage, je trouve. Mais on Bah, après. disons que les risques, en fait, Ouais. c'est que vu que c'est plus Dimension Films qui va gérer ça, ça veut dire qu'il y aura plus forcément de gens de base, enfin de gens à l'origine C'est ça, ouais. qui seront rattachés à ce projet. Et le truc, c'est que on risque soit de se retrouver quelque chose de complètement nouveau puis qui du coup peut fonctionner, soit ils vont mettre quelqu'un qui aime vraiment la saga mais voire trop. Ouais. Et on va se retrouver avec un film un peu comme Star Wars 7. Ouais, un film de fan, quoi. Voilà, un film de fan. Un peu comme Star Wars 7 ou Mission Impossible 3, par exemple, qui sont des films sympas. Comme par hasard, Bah oui, mais je suis c'est le désolé, même mais réalisateur. qui sont des films Oui. sympas Non, que non, mais moi c'est vrai. je regarde avec beaucoup de plaisir, mais qui Ouais. n'ont rien d'originaux, en fait. C'est vrai. C'est Donc pas faux. voilà, je ne sais pas. C'est Non. compliqué, c'est compliqué. Ou alors, pour rester sur J.J. Abrams, il faut le faire à la Super 8. Avoir plein d'influences, plein d'inspirations, mais Ouais. tout en développant un scénario Oui, et original, puis quoi. ce qui faisait Scream, c'était un peu comme c'était un néo-slasher, on l'appelle, donc C'est c'est ça. le renouveau du slasher. Ce qui serait bien, c'est justement de prendre tout ce qui a fait le cinéma d'horreur des années 2000-2010 et d'en faire quelque chose de. Comme Scream a pu le faire pour le cinéma des années C'est ça, c'est pour ça que c'était 70-80. aussi bien. Voilà. En faire une sorte de comment dire de résumé, mais en même temps prendre toutes ses influences et en faire quelque chose Puis d'original, quoi. surtout en jouer. Dans Voilà, Scream, c'est ça, c'était en ça, jouer, c'était voilà, c'est ça, ouais. Ouais, c'est le ce que j'ai déjà, cherché enfin, en les fait. deux geeks, quoi, du vidéoclub. Oui. Et finalement, qu'ont toutes les références, qui sont eux-mêmes des tueurs parfaits. Ouais, voilà, Parce c'est ça, qu'ils ouais. savent. Ils savent. Ils connaissent tous les codes, ils C'est connaissent. ça, en Ouais, fait. c'est ça. Et Et c'est ça qu'ils c'est aimaient. pour ça qu'il est tellement génial, le premier. Ouais. Donc, bon. Et du coup, s'ils arrivaient à faire ça avec le nouveau cinéma d'horreur des années 2000-2010, ce serait vraiment parfait. Oui, et puis quitte à... Mais alors, pour le coup, mais quitte à vraiment en rire. Parce que c'est pas... la décennie 2000-2010, c'est quand même pas la meilleure décennie du cinéma d'horreur. Hein. Hormis de rares exceptions. Ouais. C'est vrai. Après, c'est sûr que c'est pas évident de placer des éléments comme on peut voir dans It Follows, ou dans Get Out, ou dans un film comme qui voudrait un peu... pas parodier tout ça, mais qui voudrait un petit peu... Oui, sans devenir Scary Movie, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la limite, en fait, à ne pas franchir. Mais Scary Movie, c'est pareil. Hein. Les Scary Movie, finalement, sont des bons témoins de leur époque. Oui, ouais. En tout cas, pour moi, le premier reste quelque chose de très, très culte et de très, très drôle. Hein. Oui, c'est sûr. Ouais. Donc voilà, on espère le mieux. Enfin, on attend au pire et on espère le mieux, c'est ça. Comme pour beaucoup de nouvelles, en fait. C'est ça. passons à la suite, du coup, avec. On reste dans le cinéma d'horreur avec une bande-annonce pour Invisible Man qui sortira dans nos salles le 26 février prochain. C'est du coup plus d'un siècle après la naissance dans l'œuvre de H.G. Wells, qui a écrit notamment La Guerre des Mondes, pour le plus connu, et d'autres choses, hein, l'idée du docteur Moreau, enfin, il y a énormément de La Machine à Voyager dans le Temps, voilà. Un auteur de science-fiction. Exactement, de fantastique et de science-fiction. Voilà, c'est très influent, et du coup, il a écrit L'Homme Invisible, et du coup, ce film qui est... ça n'a rien à voir avec L'Homme Invisible qu'il y aurait eu, par exemple, dans le Dark Universe de Universal. C'est, voilà, non, rien non, à non, voir. Non, c'est pas la même chose. Sachant que ce concept et même l'œuvre de H.G. Wells a eu plus d'une vingtaine d'adaptations au cinéma, donc voilà. Mais il y a quand même quelque chose d'assez original dans cette version 2020. On va en parler juste après. Je veux juste dire que c'est du coup, le film s'appelle Invisible Man et c'est une coproduction Universal Blumhouse. Donc Blumhouse, c'est quand même les nouveaux, c'est un peu le nouveau Dimension Film, clairement. Clairement, ouais. Voilà. Ah oui. C'est les studios qui montent. Ouais, le studio d'horreur qui produit tout ce qui fonctionne, en fait, clairement, au niveau du cinéma d'horreur actuel. Qui fonctionne en termes de chiffres. Oui. Hein. Oui, voilà. Non, j'ai pas dit au niveau de qualité. Bon, il y a de très bons films, mais aussi des choses un peu plus compliquées au niveau qualitatif. Mais du coup, le film Invisible Man est signé par Lee Whannell, qui est scénariste des trois premiers volets de Saw et réalisateur d'Upgrade. Voilà, un film de science-fiction sorti en 2018. Voilà. Du coup, contrairement à l'histoire originale, cette version 2020 prend le parti d'être racontée non pas du point de vue... Alors j'aime bien dans la news Allociné, ils appellent ça la créature, mais bon, c'est quand même une personne qui a été qui est devenue invisible, hein, donc c'est pas vraiment une créature. Mais du coup, ça prend pas le point de vue de cette personne, ça prend le point de vue d'un autre personnage, celui en l'occurrence de sa conjointe qui a été malmenée par son compagnon. Ce compagnon est soi-disant mort, mais en vérité il a été rendu invisible par une expérience scientifique. Voilà, au niveau de la, pour incarner le personnage du coup de la conjointe qui est torturée par l'homme invisible, Cecilia, du coup, la production a fait appel à Elizabeth Moss, qui est héroïne de The Handmaid's Tale, pardon. Oui, c'est ça. Du coup, la servante écarlate. Voilà, exactement. Oh punaise. L'homme invisible est quant à lui interprété par Oliver Jackson Cohen, qui avait joué dans The Haunting of Hill House. Oui. Voilà. Je sais pas quel rôle exactement. Je vais te retrouver ça. Il a une bonne tête de psychopathe, hein, honnêtement, cet acteur. Oui. The Haunting of Hill House. Luke Crane, il a oui, le rôle. Oui, donc de Luke Crane, il joue voilà. Il joue l'un des enfants, celui qui a des problèmes de drogue. Pour ceux qui d'accord, ont suivi la série. Okay, et voilà. D'ailleurs, vous devez voir la série parce qu'elle est formidable, la série. C'est Mike Flanagan. Mike Flanagan. Qui est derrière ça. Donc c'est lui qui interprète l'homme invisible. À la base, ça devait être Johnny Depp qui interprétait le rôle. Alors non. Alors, Honnêtement. Non, t'es peur, c'est... Non, Johnny Depp, justement, devait interpréter l'homme invisible pour le Dark Ah. Universe. Ah oui, pardon. Ouais. Mais alors, du coup, ils sont trompés sur la news. Oui, c'est possible. Oui, c'est pas nouveau. Donc, non, mais du coup, ouais, donc Johnny Depp devait interpréter pour Universal, mais bon, ça, c'est un peu mort, mort depuis un petit moment. Du coup, ces nouvelles versions, du coup, de Blumhouse, de Invisible Man, devraient sortir en salle le 26 février 2020. Tu as vu la bande-annonce? Oui. Tu en as pensé quoi? Ben en fait, j'en ai pensé comme beaucoup de bandes annonces qu'elle en dévoilait beaucoup trop. Oui, déjà. Voilà, parce que ben, du coup, on a compris tout. On a tout compris. Hein. Il n'y aura plus Quasiment. beaucoup de surprises devant le film. Honnêtement, j'ai l'impression d'avoir vu toutes les scènes en C'est clairement ça. fait. Hein. Donc bon, ça c'est un peu con. Le seul truc qui m'emmerde. C'est que finalement le mec devient invisible. La seule chose intéressante qu'il trouve à faire, c'est de revenir faire chier son ex. Il n'y a pas plus intéressant quand t'es invisible, non? Voilà. C'est pas faux. Mais après, ils disent que c'est un sociopathe, etc. Oui. Que voilà, il est Ça un va être peu. justifié. Mais c'est vrai Voilà, que ça va être vu comme ça, tu justifié. te dis. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, il aurait d'autres choses à faire Ah bah moi, si moi, je c'était. trouverais mille et une choses à faire si j'étais invisible. Hein. Oui. Mais du coup, ouais. Enfin, la proposition, toi, t'intéresse quand même du coup ou pas du tout? Oui. Ouais. Parce que ouais non moi honnêtement j'étais un peu sceptique. Alors y a plus rien à voir avec l'œuvre de G. Wells, hein, ça c'est clair, hein, c'est plus le gentilhomme invisible qui était par erreur tourné invisible et qui devait trouver un moyen de redevenir visible. Et moi, je me souviens du film Hollow Man avec Ouais. Kevin Bacon. Qui est aussi une sorte d'adaptation de ça Ouais. que je n'ai pas vu mais c'est réalisé par Par Verhoeven, hein? Verhoeven, Ouais, voilà, c'est c'est ça. ça. Donc, j'avais pas plus aimé que ça de mémoire. C'était pas excellent. Mais après, il y avait des idées, mais j'étais pas fan de la réelle. Mais le scénario, ça allait. Mais Ouais, de après, toute c'est un façon, film qui est t'aimes. très marqué 2001. Donc, Ouais, oui. c'est. Ouais. Donc, honnêtement, moi je suis assez curieux de voir ce film, même si, comme tu as dit, on dévoile tout dans la bande-annonce et c'est vraiment dommage parce que là on a vraiment l'impression d'avoir vu le film en entier. Hein, mais parce que, enfin, je sais pas quelle surprise va. Alors, à moins qu'il dévoile tout ça et qu'il y ait d'autres surprises, mais j'y crois peu, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage dans la manière dont ils font leur communication. Parce que ça pourrait être quelque chose de. Enfin, ils auraient pu faire quelque chose de plus mystérieux et du coup d'en faire quelque chose qui ait plus d'ampleur, quoi. Là, ça fait juste un énième film d'horreur par Blumhouse voilà, qui va fonctionner. Enfin, on verra. Je ne sais pas si ça intéresse vraiment les gens de voir un nouveau film sur l'homme invisible, mais après, la proposition est plutôt intéressante, le fait de se placer. Cette fois-ci, pas du côté de l'homme invisible, mais de sa victime, clairement. Mais je pense qu'Elisabeth Moss a quand même une bonne base de fans malgré tout, parce que Ouais. la série fonctionne très bien, The Handmaid's Tale. Alors je n'ai toujours pas vu, Oui. j'ai une amie, Sachant que c'est. qui me la conseille pourtant, elle me dit, mais je suis sûr que t'aimerais, mais je dis, mais moi aussi je pense que j'aimerais, je sais pas où la voir. Sachant que c'est une série qui est originelle. Enfin. Original Hulu, Et... donc c'est compliqué de l'avoir en France. Légalement, je crois pas qu'il y ait de possibilité en fait de le voir en C'est France. ça. Aussi, TF1 avait dû passer. OCS, je pense, mais c'est tout quoi. Mais voilà, il faut un abonnement, etc. Encore un autre abonnement. C'est ça, quoi. Donc voilà, oui, non, c'est. Après, moi, j'ai pas vu non plus, mais je voulais lire le roman en fait avant. Je l'ai acheté là récemment, il est pas long en plus, donc. Je m'y mettrai sûrement et je verrai la série dans la foulée. Mais en tout cas, c'est vrai que je pense qu'elle a. Cette actrice, elle a le vent aux poupes actuellement. Ouais. Et elle a assez de fans pour ramener du monde en salle, je pense. Après, le fait que ce soit un scénariste des trois premiers volets de Saw et. Bon, honnêtement, on n'a pas vraiment l'impression de voir. Enfin, je pense pas que ça va être un torture porn. Non, Ça va ça, plus être un on n'a truc pas l'air, hein. psychologique Donc, ça, honnêtement, moi, je suis curieux de le voir. C'est pas un film qui m'aurait tenté comme ça en entendant parler du prémisse, mais en voyant la bande-annonce, visuellement, déjà, c'est plutôt, ça a l'air d'être réussi. Voilà, ça a l'air d'être assez intéressant. Un genre de slasher un peu des années 2010, enfin 2020 même, maintenant, qui a l'air de proposer quelque chose d'un peu nouveau, donc c'est pourquoi pas, on verra. Passons à autre chose, complètement. Et là, pour le coup, oui. Ouais. Oui. Bande-annonce de Sonic, le film. Il s'appelle bien, ouais, c'est Sonic, le film tout court. Donc, le projet, ça fait depuis très très longtemps que Sega essaie d'adapter Sonic au cinéma, hein, sachant que Mario a été adapté dans les années 90, milieu 90, il me semble, avec le succès qu'on lui connaît. Enfin, la réussite qu'on lui connaît, plutôt. Mario Mario Bros. Oh, c'est plus vieux que ça. Hein. C'est pas 90 ? Oui, 90, oui. Ouais, il me semble que c'est dans les années 90. 93, voilà. Voilà, j'ai la date précise. Voilà, c'est en gestation depuis un petit moment, ça est passé de main en main, etc. Mais depuis 5 ans, ça s'est plus concrétisé. Et là, on a eu une bonne annonce il y a quelques mois. Qui a provoqué un tollé sur Internet. Pour le design du hérisson. Pour le design justement de Sonic, et justifié parce que honnêtement, ouais. Je pense que vous n'avez pas vu quelque chose même dans vos pires cauchemars. clairement. Vous le verrez si vous regardez la news, il y a un comparatif entre le nouveau look et l'ancien look, et clairement on est passé à quelque chose de plus proche déjà du jeu vidéo et moins machine à cauchemar. Donc le réalisateur du film est Jeff Fowler, et du coup c'est quand même assez intéressant de voir que le fait qu'il y ait autant de monde qui ait critiqué le design, et sachant que la bande-annonce sur YouTube a encaissé énormément de pouces rouges, enfin quasiment ils ont battu quasiment tous les records sur les pouces rouges, et du coup c'est assez inédit le fait, je pense, enfin c'est très rare qu'une équipe créative du coup d'un film décide, suite au retour du public, de changer complètement le look d'un personnage d'un film. Honnêtement, j'ai pas la mémoire de que ce soit déjà arrivé dans l'histoire du cinéma, donc c'est plutôt c'est assez dingue comme histoire. Mais en tout cas, pour parler vraiment du film en lui-même, ça a pas l'air d'être enfin bon, c'est un film adapté de Sonic, donc déjà on peut moi pas je m'attends pas des, à, voilà hein, on peut pas avoir des attentes extraordinaires. Dr. Robotnik est incarné par Jim Carrey, du coup Sonic sera aidé dans sa quête par Tom Wachowski, qui est interprété par James Marsden, qui devient un peu son ami dans sa quête pour retourner sur sa planète, pour sauver sa planète, voilà. Bon, l'histoire, voilà, c'est clairement c'est un prétexte. En VO, c'est Ben Schwartz qui prête sa voix au hérisson, et moi je suis très content parce que j'aime beaucoup cet acteur et je veux qu'il fasse plus de travail parce que c'est quelqu'un de très très drôle. En français, on a Malik Bentala qui interprétera Sonic, un acteur pour qui je n'ai pas de enfin j'ai pas d'affection particulière. Oui, moi non plus, oui. Voilà. Bon, déjà le design est plus cool. Il y a quelques blagues visuelles qui fonctionnent plutôt bien, j'ai trouvé, dans la bande-annonce. Et honnêtement, on va pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Et en y allant juste pour voir ce que ça va donner, je pense qu'on peut pas vraiment être. Mais en fait, ça me fait rire, mais en fait, quand j'entendais la VF de Sonic, j'avais l'impression que c'était la même VF que Spider-Man. Ah bon ? Ouais. De quel film ? Bah, de Tom Holland, en fait. Ah oui, d'accord. Mais je sais pas si c'est... Arrête, j'espère que c'est pas Bentala qui double Tom Holland. Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas les informations, mais... en tout cas, voilà. Moi, je pense pas que je vais aller voir au cinéma, honnêtement. Clairement, mais. Non, non plus. Ça va être un peu, je pense que ça va être un peu comme le film Pokémon, c'est-à-dire que ça va pas être quelque chose de méchant. Il va y avoir quelques moments drôles, quelques moments un peu touchants, un peu clichés. Et puis, ça va être un film un peu à consommer plutôt que. Oui, bien sûr. Plutôt qu'autre chose, quoi. Voilà. Oui, non, c'est sûr. Ce sera pas un film. Qui va apporter des réflexions très importantes. Alors, à moins qu'on se trompe, hein, et c'est possible qu'on se trompe, parce qu'on n'a qu'une bande-annonce et on n'a pas vu le film, donc il y a toujours possibilité de se tromper. Mais honnêtement, on va dire qu'on peut annoncer sans trop grande crainte que ce sera le cas, quoi, que ça va être plus un film à consommation plutôt qu'un film qui va nous faire réfléchir sur plein de choses. Voilà, mais il y aura peut-être un message joli sur préserver la planète, etc. Ce qui est un peu le message de Sonic dans le jeu. D'ailleurs, en plus de faire le meilleur high score, qui est plutôt le. Je crois que je n'ai jamais joué à Sonic en fait. Moi, j'aime beaucoup les jeux Sonic, ceux en 2D principalement, en 3D, je suis pas très fan, comme la plupart des gens. Moi, c'est des jeux, j'ai beaucoup joué au premier. Ah, moi, j'ai joué à Rayman, ouais. Mais j'ai pas joué à Sonic. Ah, Rayman, c'est super aussi. Les derniers d'ailleurs sont très très bons aussi. D'après ce que t'as vu, tu t'en penses quoi J'avais vu moi des images du premier design. Ouais. Bon, c'est effectivement quand même mieux là. Hein. Ouais. Oui. Pourquoi pas, ça peut être rigolo quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça peut être rigolo. En fait, c'est inoffensif, quoi. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut s'attendre. Bon, je l'ai pas vu, mais je pense qu'il faut s'attendre à un truc à la détective Pikachu, quoi. Oui, voilà, c'est ça, hein, clairement. À la détective Pikachu. Un petit film détente, quoi. Exactement. Sans trop grande prise de tête. Le genre de film où tu laisses ton cerveau à l'entrée de la salle et puis ça marche très bien comme ça, quoi. C'est ça. Et du coup, le fait que les critiques des spectateurs aient pu faire changer l'avis l'équipe créative du coup de Paramount et de Sega, toi, ça t'évoque quoi? C'est quand même quelque chose de. Tu penses que c'est quelque chose de bien ou pas? Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais c'est vrai que pour le coup, le design était vraiment. Enfin. Là, honnêtement, c'est pour le mieux. Je quoi, pense mais... que là, c'est pour le mieux. Ouais. Après, ça évoque quand même. Disons qu'en fait là, on a vraiment vu que le studio a réagi tout de suite, parce que d'une bande-annonce à l'autre, c'est pas la même chose, voilà. Ouais. Mais les fans ont déjà la main mise sur des projets, je veux dire, même Star Wars, hein, pour moi, les fans ont la main mise dessus. On l'a bien vu, si J.J. Abrams, il est revenu à ce qu'il faisait le sel de la trilogie originale, en excluant plein d'éléments de la prélogie... C'est parce qu'il sait que la prélogie a pas le même accueil et que les fans, c'est pas ce qu'ils veulent voir. Donc, que ça soit consciemment ou inconsciemment, les fans ont un impact et un pouvoir sur les studios. Comme ils l'ont jamais eu. Bien sûr. Mais c'est normal, on est à l'ère d'Internet. Donc, donc maintenant, oui, évidemment, on compose avec le public avant de composer. Voilà. Mais c'est pareil pour tout. Je veux dire, Jurassic World, c'est pareil. Tu prends Jurassic Park et Jurassic World, mais sur Jurassic World, t'as des dinosaures dans beaucoup de plans, alors que t'en as très peu dans Jurassic Park. C'est parce que les gens, ils ont envie d'en voir aussi. Enfin, c'est plein d'éléments comme ça. Si les films d'horreur aujourd'hui ne font plus peur, c'est parce que ce qui surprend, c'est les jumpscares, donc on en fout partout, au détriment du scénario, quoi. Alors, on se retrouve avec des films qui ont souvent des super scènes. Ouais. Mais par contre, qui sont pauvres en fait en termes de d'écriture. Voilà. Ouais. Donc, c'est pas faux. Donc, c'est ça. Alors, aujourd'hui, on a un peu les films en kit. C'est ça. Et on sent qu'on est un peu, testé dans des laboratoires, quoi, les films avant d'être sortis. C'est ça. Mais moi, je le vois avec des sagas que j'aime bien, notamment Jurassic World. En fait, les deux derniers films, les deux derniers sorties, je les aime bien, mais c'est vrai que je les aime bien aussi parce que à côté, je lis des trucs sur l'univers de la saga qui sont en lien avec ces films-là. Le problème, c'est que tout ce que je lis à côté, c'est pas dans les films. Mais sachant ça, forcément, les films n'ont pas le même impact. Ouais. Mais c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est sur du divertissement à fond parce que bah, les gens ne veulent pas payer 10 euros leur place de cinéma pour. Voilà, il faut que ça. Faut que ça t'as envie de. Moi, je me rappelle quand j'ai été voir Endgame au cinéma, j'en ai parlé avec un ami après, il me disait ah, il me fait, pour une fois, au moins, t'en as pour ton argent, quoi. Mais c'est clair, ouais. Hein, 3 heures de film, au moins, t'y vas pas pour rien. Mais en fait, oui. C'est une réflexion que j'ai compris. Parce oui, que bien sûr, c'est cohérent, sûr. Hein, il fait, bah, ça sous-entendait, moi ça me fait chier de payer ma place 10 euros pour un film qui dure 1h30, et puis bah, au final, c'est pas... Donc oui, il y a plein de trucs à prendre en compte, encore une fois, quand on produit oui, un film, sûr. Et là, en l'occurrence, c'est vrai qu'avec Sonic, on voit bien que les fans, que le public, en tout cas, a la mainmise quand même sur les studios, mais c'est pareil dans tout, hein. Dans les jeux vidéo, c'est la même chose. Oui, bien sûr. Donc, dans tous les produits culturels actuellement, alors c'est il y a la du même bon chose. Et du moins bon, mais par exemple, bah, moi qui joue à Planet Zoo en ce moment, le jeu est juste sorti. Bon bah, il est plein de bugs. Et bah, oui, mais du coup le studio, bon ils ont bien fait une bêta, ils ont testé le jeu et tout, mais il y a des trucs qu'on va repérer vraiment en y jouant de manière longue. Ouais. Et c'est vrai que bah, si nous, en tant que joueurs, on ne rapporte pas les quelques bugs, bah, le studio ne peut pas réagir non plus. Donc, y a un échange. Alors après, dans le jeu vidéo, c'est l'avantage, c'est que ça peut se modifier au fil du temps pour apporter une meilleure expérience. Dans les films, bon, bah, une fois que le film est fait, à part faire une suite qui sera mieux que le premier... Ouais, ou alors modifier ça au niveau de la sortie Blu-ray DVD. C'est ça. C'est pas tu peux rien faire d'autre quoi, c'est ça. C'est... donc après après voilà, je pense que ça a du bon. Moi je pense que si Warner finit par nous pondre la Snyder Cut de Justice League, bon ben là les fans auront eu un impact et peut-être qu'on va enfin avoir le film tel qu'il aurait dû être et non pas comme il a été fait en fait. Ça peut aussi avoir du bon de temps en temps. Et je pense que, et pour le coup, je pense que l'univers de DC Comics, ce serait bien que la Justice League devienne un bon film. Je pense que ça pourrait rehausser un peu la barre, quoi, de ce navire en dérive qu'est le DC Comics Universe. Ah oui, ça c'est clair. Donc voilà. Mais pour Sonic, moi, en tout cas, je trouve ce visuel beaucoup plus convaincant. Oui. Et... Ouais, il est mignon, enfin, je veux dire. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Il est attachant, quoi. Le truc, c'est qu'ils avaient voulu vraiment faire quelque chose d'humanoïde. Et ça fonctionnait pas, en fait. Bah non. J'ai l'impression que c'était un mec dans un costume en jogging, quoi. C'est clair. C'est clair. Un cosplay, c'est les espèces de pyjamas, là, avec les capuches et les oreilles. Ah, ça faisait un peu ça, quoi. Ouais, je vois totalement. Ok, très bien. Bah, passons à autre chose du coup. Donc, on a eu une bande annonce d'un nouveau film qui s'appelle Scooby, qui va raconter l'origine de Scooby-Doo. De Sammy, de Fred, de Daphné, de Vera et de Scooby. Tout le Scooby Gang. Scooby Gang, voilà. Nouveau film d'animation qui sortira de Warner, qui sortira le 13 mai 2020. Sachant que les derniers films qui étaient en date étaient Scooby-Doo le premier et le Scooby-Doo 2 Les Monstres se déchaînent en 2004. Mon Dieu. Ben, si vous ne le savez pas, sont scénarisés par James Gunn. Hein, ça, c'est toujours bon à savoir. Pour les trivia. Ça fait partie des trucs géniaux dans la fiche Wikipédia de James Gunn, c'est ça, c'est vrai. Exactement. Le mec est complètement. C'est... Ouais. Non, mais voilà. Il a besoin de manger, on le comprend. Oui, hein, oui, c'est non, mais vraiment, c'est super drôle. Le mec, il est à la tête des Gardiens de la Galaxie. La Terre entière a réclamé à ce que Disney le réengage. Il se fait réengager. Et c'est vrai que. Tu te rends compte qu'il a fait des trucs comme ça, enfin, c'est trop drôle quoi. Ouais. Bon, qui sont des films à qualité assez médiocre, hein, honnêtement. Ouais. Voilà. Mais du coup, là, cette fois-ci, c'est un film totalement en animation. Sachant que bon, Scooby-Doo, c'est quand même assez vieux. Hein. Ça a été créé par les studios Hanna-Barbera en 1969. Voilà, il y a eu il y a eu 13 séries en tout de Scooby-Doo. Donc voilà, et je ne saurais plus te dire laquelle que je regardais quand j'étais petit. Hein. C'était. Moi, c'était sur Cartoon Network, en fait. Nanana Scooby-Doo. Nanana. C'était ça, oui, oui. Ouais, ça. Oui, oui, mais je veux dire, c'est vraiment la France, série. Ouais, la vieille série d'animation. J'ai dû en voir des nouveaux, là, plus récents. Ouais. Bon, après, d'accord, ça fonctionne tout le temps, hein, Scooby-Doo. Oui, hein. Oui, oui, voilà. C'est un concept. C'est un concept qui fonctionne. Bah, en fait, c'est un peu. C'est le mystère pour les enfants, quoi. C'est ça. Enfin, oui. C'est un thriller pour les rigolo, enfants. Quoi. C'est rigolo. Les personnages sont drôles, c'est très caricatural, mais c'est ce qu'on. Enfin, moi, quand j'étais petit, j'adorais Scooby-Doo. Mm. Enfin, de toute façon, j'adorais Cartoon Network, finalement. Scooby-Doo, oui, Dexter et tout ça. Ah oui, non, c'était trop trop bien. C'était trop bien. gros coup de nostalgie. Oh. Non, mais c'est vrai. avec, et moi, j'avais bien aimé les Super Nanas, le tout ça. Aussi. Ah oui, t'aimes bien le. J'avais bien aimé, quoi. Bah, forcément, hein, en l'ayant revu. En fait, alors, pour l'anecdote, c'est le premier film que j'ai vu sur Netflix. Quand j'ai pris Netflix. En fait, on a toujours des anecdotes sur les premiers films qu'on a vus sur Netflix. Voilà, et ben moi, c'est ça. C'est Scooby-Doo, le film. Avec Sarah Michelle Gellar. Avec Sarah Michelle Gellar, Rowan Atkinson. Freddy Prinze Jr. Ouais, voilà. Bah, en fait, tout le casting des slashers des années 2000. C'est ça. sauf Mr. Bean, du coup. Mm. Mais oui. Moi, c'est ça. Je l'ai revu, en fait. Je l'ai pas revu depuis. Donc, j'ai pas dû le revoir depuis 2015-2016. Ouais. Mm. Mais ça faisait. Oh, mais ça devait faire au moins 15 ans que je l'avais pas vu. Ouais. Et c'est vrai que j'aimais bien ce film-là. Ça me faisait rire, en fait. Bon, je sais, c'est pas terrible. Mais ça me faisait rire. Mais non, sur mais l'île, c'était un complexe de vacances complètement barjot qui était infesté de monstres. Ouais, et en fait, du coup, Rowan Atkinson, c'était Scrappy-Doo. Ouais, c'est ça. Final, ouais. Scrappy-Doo qui était, du coup, pilotait un robot qui était. Ouais, et c'était une histoire complètement Scooby-Doo. Ben, clairement. Oui, donc. Voilà, c'est ça. Ah, mais après, c'est vrai que ça rend pas pareil en film qu'en film d'animation. Et le problème, c'est qu'ils avaient pas non plus la technique pour rendre Scooby encore très crédible à côté d'acteurs en prise de vue réelle, quoi. Après, ça restait cohérent, hein, je veux dire, Sarah Michelle Gellar en Daphné, elle en faisait une Daphné. Qui savait se battre, machin et tout. Donc c'était assez drôle parce que Michelle Gellar, en plus, elle était presque dans une parodie de Buffy à des moments. Oui, c'est ça, exactement. Donc il y avait des petits éléments comme ça qui fonctionnaient bien. Parce que en plus, c'est ça qui était vraiment drôle, c'est qu'à l'époque, Sarah Michelle Gellar, en fait, elle jouait Buffy dans la série. Donc elle jouait la fille badass à fond, quoi, la tueuse de vampires. Et puis d'un autre côté, quand tu la voyais dans des trucs, genre souviens-toi l'été dernier, elle jouait la cruche qui pensait qu'à ses cheveux et qui se faisait défoncer. Ouais. Donc là, elle était dans un entre-deux et c'était assez assez savoureux. Donc ouais, c'est des films pour lesquels j'ai de l'affection, ça. Ouais. Début 2000, là, on osait encore des trucs un peu barjot, très très années 90. Ouais. D'ailleurs, c'est quand j'ai revu Scream récemment que ça m'est venu. Je me suis dit, mais putain, mais Matthew Lillard, du coup, c'est celui qui interprète Sammy. Mais oui. Et du coup, c'est le méchant dans Scream. Oui, c'est ça. Je me suis dit, mais il me dit que sa tête, elle me dit complètement quelque chose. Mais forcément, il est vraiment. Alors là, il est aux antipodes De ce qu'il fait dans Scooby. Ouais. Non, mais du coup, pour parler de ce film d'animation qui sort le 13 mai 2020, moi je le trouve visuellement déjà super, enfin réussi. Oui. Moi j'aime beaucoup l'animation, elle est très mignonne. C'est un sort de mélange de 3D-2D comme ça, qui est un peu maintenant devenu la. Enfin, je pense que c'est vu le succès de Spider-Man. Multiverse, New Generation, qui a encouragé les studios d'animation à tester ce genre d'animation qui mélange la 2D et la 3D. Et pour moi, et on va en parler justement avec le film d'après, mais c'est la même chose. Et ce mélange d'animation 2D-3D, ça fonctionne mais super bien, et je trouve ça super mignon quand c'est bien fait. Ouais. Et là, ça a l'air d'être bien fait, en fait. Bon, au niveau du scénario, ça... C'est un épisode de Scooby-Doo, hein, clairement. Mais en plus, on découvrira un peu les origines de la rencontre entre Sammy et Scooby. Oui. Et voilà, ce genre de choses. Donc, pour moi, je suis... Bon, Scooby-Doo, la série, je regardais beaucoup quand j'étais petit. Je regardais, le film, je l'ai vu au moins 5 fois quand j'étais petit, donc je le connais quasiment par cœur. Et je le regardais, et après, bon, après, quand je l'ai revu, quand j'étais adulte, c'était un peu plus compliqué. Je me suis rendu compte de pas mal de choses. Mais après, j'ai toujours un peu d'affection pour ce film. Mais du coup, la série, je la regardais, mais c'était plus... c'était sympa, mais c'était pas non plus, je l'attendais pas non plus spécialement, quoi. C'était c'est ce qui passait à la télé, donc je regardais. Mais voilà, j'avais pas trop d'affection pour ces personnages. Mais là, le film d'animation m'intéresse vraiment et a l'air d'être... enfin, je pense qu'il pourrait m'intéresser vraiment à tout cet univers beaucoup plus que je le regardais passivement quand j'étais petit, quoi. Donc, oui. Ouais. Toi, t'en as pensé quoi du coup de cette annonce? T'es curieux de voir ce film ou pas? Oui. Ouais. Mais ça fait penser un peu au Snoopy qui était sorti. Un petit peu, oui, qui était, en 2015. Qui était sympa. Mm. Ouais, c'est un peu le même style d'ambition, quoi, clairement. Ça va pas être un grand film d'animation, mais je trouve que c'est cool déjà qu'on retrouve un peu de la 2D au niveau de l'animation au cinéma. Parce que bon, on l'a perdu très fortement dans les années 2010, donc voilà, c'est cool de revoir ça. Du coup, on va passer à aussi un autre personnage de dessin animé qui va refaire son excursion au cinéma en animation aussi. C'est du coup Bob l'éponge et la bande-annonce du troisième film adapté de la série animée Bob l'éponge en eau trouble, le titre français. Qui sortira le 20 mai 2020, donc quasiment en même temps, ou enfin quelques jours près, quelques semaines près de Scooby-Doo. Bob l'éponge, cette aventure sera un préquel au précédent volet qui était sorti en 2004 et 2015. Le film de 2004 qui est un film culte pour moi, personnellement, parce que je l'ai vu énormément de fois et il me fait toujours autant rire. Mais bon, après, c'est pas non plus un grand film d'animation, clairement. Et celui de 2015 que je n'ai pas vu, mais qui apparemment est pas terrible. Bon, déjà, vu les visuels et tout ça, Bob l'éponge en super-héros, tout ça, ça m'intéressait un peu moins, clairement. Du coup, ce film, comme c'est un préquel, ce sera un peu plus. On part sur quelque chose de plus innocent, moins dans la folie que le dernier qui est sorti en 2015. Du coup, Bob va voir sa rencontre avec Gary. Donc c'est c'est un peu bizarre que le film Scooby-Doo et celui-là sortent quasiment en même temps, parce que c'est un peu le même principe, sauf que cette fois-ci, du coup, on va découvrir la rencontre avec Gary. On la voit un peu dans la bande-annonce. Du coup, si vous connaissez pas Bob l'éponge, Gary, c'est son escargot de compagnie. voilà. Bon, de toute façon, si vous n'avez pas vu la bande-annonce, ce dont on va parler là, ça va. Enfin, c'est comme si on avait pris du LSD et on parlait de choses complètement folles, mais c'est vraiment dans la série. Du coup, c'est Gary qui va se faire kidnapper, ou je ne sais plus comment il l'appelle en français, c'est assez drôle. J'ai plus le mot en tête, mais il dit un mot avec escargot et kidnappé, il fait un mélange des deux, je sais plus comment, mais c'est assez drôle. Et du coup, il va avec Patrick, du coup son ami qui est une étoile de mer, va aller le chercher son escargot qui a été kidnappé. Voilà, donc bon, au niveau du scénario, c'est pas c'est pas la folie. C'est le scénariste de la série originale, Tim Hill, qui va réaliser ce film. Et donc voilà, la bande-annonce est super jolie aussi. Toi, t'en as pensé? Tu as vu la bande-annonce? Non, je ne l'ai pas vue. Non, tu l'as pas vue, d'accord. Ça me tente pas plus que ça. Parce que j'avais vu le film de 2015, bon, j'avais trouvé, voilà. Mmh. Et c'était drôle, mais c'était pas non plus... Ouais. C'était pas terrible, hein. Donc non, j'ai pas vu. Et le film de 2004, tu l'as vu? Non. D'accord. Okay. Mais par contre, j'ai beaucoup vu la série, oui, ouais. Et avec le... toujours en me posant la question, pourquoi la fille de Monsieur Crabbe est une baleine, par exemple. Oui, non, mais bon, après, faut pas chercher à comprendre. Hein, c'est... mais ouais, du coup, moi, je suis très très client de l'univers Bob l'éponge. Là, c'est vraiment un dessin animé que j'aime beaucoup. Et du coup, c'est l'abondance est super mignonne. Le style d'animation est super joli aussi. C'est, comme je l'ai dit, un mélange de 2D, 3D qui rend super bien. Et le design de Bob de tous les personnages sont vraiment jolis. Voilà, moi c'est, je pense que c'est plus un film que j'irai, même je pense que j'irai le voir au cinéma, clairement j'ai envie d'aller le voir, parce que c'est un film qui me tente beaucoup. Et déjà dans la bande-annonce il y a d'énormes gags, très, ben, comme Bob l'éponge, très visuel, très qui fonctionne très bien. Ouais. Et du coup Bob l'éponge et Patrick vont se retrouver dans un semblant de, en fait il l'appelle Atlantid City, qui est un pastiche de Atlantic City, qui est aux États-Unis, une ville qui est connue pour ses casinos en fait. Et du coup ils vont se retrouver dans un casino géant, enfin dans une ville où il y a plein de casinos. Et du coup ça amène à pas mal de gags très visuels et qui fonctionnent super bien, comme toujours dans Bob l'éponge. Et le fait que ce soit le scénariste qui a officié sur la série originale qui a la réalisation, moi ça me fait beaucoup, ça me fait plaisir, parce que c'est quelqu'un qui est à l'origine du coup de nombreux épisodes. Donc voilà. Et du coup on va finir avec une dernière news qui concerne le flic de Beverly Hills 4. On en parle encore et encore. Cette fois-ci, on a un accord qui a été signé entre Paramount Pictures, Jerry Bruckheimer et Netflix pour développer du coup de façon conjointe le flic de Beverly Hills 4, pardon, avec Eddie Murphy, qui a récemment signé un accord avec la plateforme de streaming pour la production de plusieurs spectacles de stand-up et de films. D'ailleurs, il y a son dernier film qui est sorti sur Netflix. Je sais plus maintenant le titre, mais... je ne sais plus. Mais il y avait la bande-annonce qui passait, voilà. Moi, je suis plutôt... frileux à l'idée que Eddie Murphy refasse du stand-up, sachant qu'il n'en a pas fait depuis 1986 et que ces deux stand-up sont un peu tenus comme la bible du stand-up, du nouveau stand-up des années 80, par pas mal de monde, même en France, hein, même les plus grands en France et les plus grands aux États-Unis, c'est un peu leur dieu, Eddie Murphy. Mmh. Il en a fait que deux, il a arrêté. Et là, le fait qu'il reprenne à plus de 50 ans, je pense, qu'il a, ça va être très dur pour lui. Et honnêtement, il est très doué. Hein, c'est quelqu'un de très intelligent, très drôle. Mais je trouve que... Voilà, on verra. Le stand-up, c'est quelque chose de très, très jeune. Et le fait qu'il soit assez âgé, ça peut pas l'empêcher de produire quelque chose de très qualitatif. Il y en a, mais il faut rester à la page, et c'est pas le cas d'Eddie Murphy, oui, clairement. Donc du coup, il va reprendre son rôle d'Axel Foley. D'ailleurs, j'aimerais signaler à la personne qui a écrit sur Allociné que c'est pas Alex Foley, mais bon, tout le monde. Tout le monde fait l'erreur, hein. Il n'y a pas de souci. Et du coup, on devrait, côté casting, on évoquait récemment du coup les noms de Tom Hardy ou de Channing Tatum pour donner la réplique à Eddie Murphy dans le rôle d'un nouveau policier de Détroit qui serait opposé à Axel Foley, qui serait devenu flic saisonnier, pardon. Voilà. Et c'est 35 ans après le premier opus qui a été signé par Martin Brest, hein, en 1985. Le fait qu'il y ait un nouveau flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy en 2020, du coup, est-ce que tu es impatient de découvrir ça ou pas du tout? Bah, pour plus que ça, parce que j'ai pas vu forcément tous les flics de Beverly Hills. Donc, à voir si. À voir, je ne sais pas. Il faudrait peut-être que je revoie les autres avant, mais ça fait pas partie de mes priorités, honnêtement. Oui, oui, bien sûr. Donc, non, j'ai pas d'avis sur la question, en fait, plus que ça. D'accord, ok. Moi, je suis Alors c'est une nouvelle qu'on. En fait, je suis partagé. C'est-à-dire que en même temps, je suis content de retrouver l'univers et le personnage et surtout Eddie Murphy dans ce rôle. Le problème, c'est que c'est trop. Enfin, 35 ans après le premier opus, c'est un peu. Ça fait un peu Die Hard 4 ou 5. Enfin, voilà, c'est le genre de choses, c'est le genre de projets qui sont pas. Qui sont pas engageants ou qui sont pas. Qui donnent pas très envie, en fait. Donc, et puis, en plus, je trouve que les trois premiers se suffisent largement à eux-mêmes. Et qu'il n'y aurait pas eu besoin d'un quatrième. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On verra bien ce que ça donnera. Bon, le fait que les personnes qui sont à l'origine des trois premiers sont de retour, c'est plutôt une bonne nouvelle, au moins. C'est pas donné à quel. Enfin, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que ça aurait pu rapporter du sang neuf, que ce soit quelqu'un de complètement différent et qui est complètement. Hors de la saga qui se serait attelé à ça, mais après on verra bien ce que ça va donner. J'ai pas vu le dernier film de Eddie Murphy, il me tentait bien parce que d'après l'abondance que j'ai vu, mais je sais pas s'il est encore capable de physiquement aussi de jouer un rôle aussi physique que Axel Foley, parce que il arrête pas, enfin il bouge de tous les côtés, c'est quelqu'un de très très animé, très. Il pouvait le faire quand il faisait la voix de l'âne, il pouvait le faire parce que c'était juste de la voix, mais là c'est aussi du jeu avec son corps et tout, et là je pense que ça risque d'être un peu plus compliqué. Voilà. Du coup, on a fini tout ça. On a fait un épisode de 2 heures à peu près. Donc, finalement, on a réussi à trouver quand même des sujets sur tout ça. Oui. Voilà. De toute façon, je m'en inquiétais pas trop. du coup, j'aimerais vous remercier d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode numéro 36 de Parents Cinéma. Merci Eddie d'être toujours là pour parler des news avec moi. Ça me fait plaisir. Ah, normal. je vais vous rappeler toutes les informations où vous pouvez nous retrouver sur moviesnord.net. C'est là où vous pouvez retrouver nos critiques écrites, nos émissions audio et vidéo, sur les réseaux sociaux. C'est moviesnerd sur Facebook, movies_nerd sur Twitter et moviesnerd_officiel sur Instagram. Contact@moviesnerd pour nous contacter par mail. Vous pouvez écouter, vous pouvez noter le podcast et écouter sur Apple Podcast. Maintenant, c'est plus iTunes, enfin c'est iTunes, mais toujours Apple Podcast du coup. Et sur PodCloud, ça nous fait monter dans les classements. Et vous pouvez également écouter ce podcast sur maintenant Spotify, Deezer, TuneIn, Stitcher, enfin toutes les applications de podcasting, etc. J'aimerais quand même signaler que bon. À la base, je voulais pas trop les mettre sur Spotify et Deezer parce qu'ils passent de la pub avant et c'est de l'argent pour eux, quoi. On touche rien du tout, hein, en mettant les podcasts sur Deezer et Spotify. Mais bon, comme il y avait pas mal de monde qui me réclamait et qui me demandait quand est-ce qu'on peut l'écouter sur Spotify ou Deezer, principalement sur Spotify d'ailleurs. Du coup, je les ai mis, c'est pas grave. Ils vont se faire un peu plus d'argent, c'est comme ça. et puis maintenant, tant pis. Voilà. Si vous voulez l'écouter, écoutez-le sur le site, c'est mieux. Voilà. on vous donne la possibilité d'écouter partout. Vous pouvez me retrouver sur Sens Critique, Movies Nerd, Twitter, Instagram, Steam, pas mal de choses. C'est TheLexal, THELEXAL. Eddy, quant à toi? Comme d'habitude, c'est toujours Eastark partout sur les réseaux et voilà, principalement sur YouTube, okay. Sur Facebook, sur partout. Voilà. C'est Eastark, vous cherchez Eastark, tapez critique et en général, internet fait le lien entre les deux. Voilà, c'est ça. Et on rappelle que c'est E-6 Stark. C'est ça. Très bien, merci encore d'avoir écouté jusqu'au bout et puis on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un prochain Parents Cinéma. Ciao. Salut. big old town.